Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement que je vais faire en compagnie de Berthold, ici David Lévesque au micro. Et cet enregistrement s'intitule « Discussion avec Berthold en décembre 2018 ». Alors j'ai choisi de parler de discussion parce qu'on va sans doute aborder plusieurs sujets en rafale aujourd'hui ensemble. Alors tout d'abord, bonsoir Berthold. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Excellent. Et je salue également les gens qui vont écouter par la suite cet enregistrement. Donc, tout d'abord, ce que je peux te mentionner, c'est que j'aimerais discuter avec toi des événements chocs auxquels on peut être confronté dans notre existence. Étant donné qu'il y a à peine quelques jours, j'ai été confronté à une situation d'accident d'automobile où mon auto a dérapé. Et puis, je n'ai pas été blessé, là, si je peux rassurer les gens qui nous écoutent. Mais c'est un événement choc dans le sens que ça m'a fait sortir d'une forme de brouillard astral, dans le sens qu'il y avait une certaine lourdeur dans ma psyché au moment où je conduisais et que ma voiture a dérapé sur la glace. Et puis, ça a été un événement qui m'a ramené dans la matière, qui m'a ramené dans le concret. Et puis, j'étais dans un mode réflectif dans les jours aussi qui ont précédé l'événement. Donc, c'était tout simplement pour faire une petite mise en contexte. Et en fait, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui est pour toi un événement choc? Ben, un événement choc, c'est tout ce qui vient causer un choc à l'ego, là. C'est que il y a de l'expérimental ici, il y a de l'énergie qui vient frapper les structures, là. Donc ça crée de l'émotionnalité, c'est de la vieille émotive, puis des choses comme ça. Puis ça crée des chocs au sens où l'ego, c'est-à-dire ce qui s'observe, c'est le moi, si on peut dire, là, ce qui dit je, là, va être ébranlé parce qu'il y a de l'énergie là, à intégrer par rapport à son expérience. Donc il y a des chocs, il y a de l'énergie qu'il y a là-dedans. Puis ça, si c'est bloqué, la personne, ça peut lui nuire, mais si c'est intégré, la personne, elle va en ressortir grandie de ça. C'est surtout ça comment je le vois, là, un choc. OK. Et puis, pour toi, est-ce que les événements qui créent des chocs dans la vie des gens sont nécessaires à leur évolution? Souvent. Plus souvent qu'autrement. C'est comme les gens là dans le domaine de la conscience, souvent, que je vais rencontrer, ce sont des gens qui avaient une vie rangée, puis tout d'un coup, il est arrivé des événements dans leur vie qui les ont forcés à regarder des choses là qu'ils ne voyaient pas avant. Oui, parce que souvent, quand les gens sont confrontés à des chocs de vie, donc dans certains cas, c'est des pertes d'emploi, pertes d'argent, perte de conjoint ou conjointe. C'est des événements qui amènent les gens à voir des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne voyaient pas avant, parce que le manque qui est généré crée une forme de vide qui peut être un espace de déploiement pour percevoir des choses qu'on ne voyait pas avant par rapport à soi-même. Oui, c'est, si on peut dire, là, il y a une linéarité expérimentale qui fait qu'il y a un espace, là. L'espace expérimental, là, c'est un peu comme c'est ce qu'il y a devant l'ego là, dans son mouvement, à moins qu'il s'immobilise là, par crainte, là, ça devient comme périphérique, là, ça l'entoure complètement. Mais l'ego qui est dans le mouvement, l'espace qui est devant lui, c'est un espace expérimental. Puis si on peut dire, c'est un peu comme il y a quelque chose qui passe à travers l'ego dans l'expérience, puis ça s'enregistre dans l'âme. Puis c'est tout simplement ça. Puis l'ego, il est censé devenir avec ça de plus en plus conscient, c'est-à-dire que à force de subir sa condition, il finit par en intégrer des lois, tout simplement. Puis au début, c'est pour pas souffrir. Mais c'est juste le seul fait d'avoir souffert, ça va forcer l'ego à être aux aguets, là. Mais là, ça, c'est juste de la mémoire. Ça peut être aussi bloquant, aussi nuisible que ça peut aider. Donc, c'est difficile, là, c'est subtil, ça. Oui, il y a différents niveaux associés à des chocs, là. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, le choc, ça a été davantage le fait que je vais devoir payer 500 $ de franchise à ma compagnie d'assurance pour faire réparer les dégâts. parce que Ben oui. le trois-quarts du pare-choc qui a été détruit là, dans l'incident, où j'ai rentré dans la bordure de métal là, qui est le long de la route, donc puis là, quand j'ai dérapé là-dessus. Mais en réalité, je ne suis pas à plaindre parce que la facture, si j'aurais tout à payer, ça serait plusieurs milliers de dollars. Là, Mais quand même, là, quand t'as demandé pourquoi tu n'avais pas été prévenu, tu t'es fait dire, oh, ta vie n'était pas en danger, mais quand même, au niveau là, de tes. C'est certain que ça engendre quand même des désagréments. Oui. Non, Donc. C'est sûr qu'avec 500 $ à payer de franchise, je ne ferais pas faillite là, naturellement, mais il y a quand même des désagréments Non, qui sont là. Puis c'est sûr que, en fait, ton propos est en lien avec l'enregistrement précédent que j'ai fait où mais. j'ai Oui. abordé cet événement-là. Ben, j'ai posé, c'est ça, en effet, la question au plan, pourquoi qu'ils me l'ont pas dit. Puis eux autres, ils ont dit, ah, ben ta vie n'est pas en danger, fait que ça affecte pas, disons, mon existence dans le sens de la mettre en péril. Fait qu'ils m'ont comme laissé aller et vivre l'expérience pour que je Ouais, mais grandisse à partir de ça. ça Oui. l'affecte quand même. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'avec ça, je vais me tenir plus tranquille sur la glace. Quoique, quand que je roulais, j'étais à 100 km/h. Je n'allais pas au-delà de la limite là, légale là, sur une autoroute. Mais là, je vais être encore plus prudent que je l'étais là, en me déplaçant l'hiver. C'est sûr, je m'empêcherai pas de vivre comme on dit. Mais cet événement-là me fait réaliser que, à quelque part, on peut pas. Ben, de toute façon, je me fiais pas sur les forces non plus pour tout le temps qu'ils soient là pour me surveiller, là. C'est-à-dire que les forces, c'est pas des anges gardiens comme C'est ça. on les a cru dans la religion. Tu sais, dans la religion, ah, les anges veillent sur vous, ils vont vous le dire si vous êtes en danger. Dans la vraie vie, c'est pas Ouais. ça avec les plans, là. C'est qu'ils vont Ben vous non, le parce dire. que Oui. c'est un peu plus la job, là, c'est la job de notre esprit, là, une affaire de même, de nous prévenir, mais il faut que l'ego soit réceptif, puis des fois, on est dans une situation que on est distrait là, par l'état dans lequel on est, puis ça réussit pas à se rendre, l'esprit. Donc, on se fait pas. Mais c'est pas aux anges, entre guillemets, à nous prévenir pour des choses comme ça. Non, exactement. Mais c'est sûr que quand est arrivé l'événement, j'écoutais de la grosse musique rock. Donc, j'étais dans une vibration astrale. J'étais dans un climat réflectif aussi. Parce que j'étais habité. Parce que j'ai été voir. En fait, j'étais parti de chez moi. J'ai été voir mes parents. Puis, j'étais sur le chemin de retour. Que j'étais habité par la réflexion, la pensée que ma vie n'avait pas de sens. Je suis rendu à 37 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de compagne. J'ai pas de maison non plus. Donc, le pattern social où quelqu'un est rendu à l'âge adulte, il a sa famille, il a sa maison, je ne vis pas ça. Fait que je me laissais prendre dans Pas un oiseau. Comment? T'es pas un oiseau. Ouais. Parce que c'est ça, le but d'un oiseau, là, c'est de manger, d'avoir un nid, de construire un nid, de se reproduire. Mais là, il faut que l'être humain soit plus que ça. Non. Je vois pas ça comme la base d'une vie qui a du sens. Ça, c'est une vie, ça a du sens pour un oiseau là, qui a besoin d'un nid puis des choses comme ça. Mais pour nous autres, pour l'être humain là, qui est rendu, ben, c'est de la programmation, ça, vouloir se reproduire. Puis au fond, là, on est plus que ça, les humains. Il faut que ça aille vers plus que ça. Puis là, on est là à se poser des questions. On se dit que notre vie n'a pas de sens, puis au fond, c'est parce que peut-être qu'il va falloir que l'être humain, ben, qu'il se devienne plus qu'un oiseau. Ouais, Les pour qu'il oiseaux, puisse c'est bien beau, s'élever mais. en conscience au-delà de la condition animale associée au C'est ça. contexte involutif et les mobilités biologiques de la reproduction sexuée. Donc, c'est ça qu'on va venir éventuellement au-delà de ça. Puis, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est sûr que dans le fond, en regardant que les choses du recul, c'est moi qui ai eu une faille, puis qui ai laissé entrer l'astral en moi, puis ce type de réflexion-là m'habiter, où est-ce que j'étais dans une comparaison par rapport aux autres de mon âge, que bon, il y en a beaucoup qui ont des enfants, un ou deux enfants, ils ont une famille, mais en même temps, il fallait au-delà justement d'identification à la condition biologique animale pour réaliser que peut-être qu'en réalité, dans ma vie, je développe autre chose au niveau de la conscience qui n'a rien à voir avec le conditionnement social commun. Puis des fois, ben. C'est souvent, là, on va se plaindre, l'être humain, quand on regarde occultement, quand je m'observe mon ego occultement, que je viens à bout assez là, d'avoir un petit moment d'objectivité, de lucidité, Ben, ce que je vois, c'est quelqu'un qui passe son temps à se plaindre de sa condition, puis au fond, tout est toujours correct, là, pas mal tout le temps. C'est ça qui s'apprend, puis c'est ça qui arrive. Mais comme on subit, puis c'est pas nous autres qui décident, ben là, on chiale. Mais là, au fond, quand je regarde ça, même quand on se rend compte qu'au fond, ces choses-là, la maison, l'auto, la famille, que ça vient que ça a plus de sens pour notre propre ego, on continue à être affecté parce que ça a encore du sens pour les gens dans le collectif. Puis là, c'est des forces sociales. Il y a du conditionnement qui embarque. Puis c'est encore aussi subtil. Puis c'est juste de pas tomber dans des pièges là, de toujours se situer par rapport aux autres. Puis de, en tout cas, c'est, au fond, c'est pas ça. C'est pas les choses comment je pourrais dire ça? C'est des choses que jusqu'à un certain point qui deviennent vides de sens pour quelqu'un qui a vu d'autres choses, là, qui a vu que il, toutes ces choses-là, au fond, c'est quoi? C'est de la programmation animique, c'est lié au fait que l'être humain il vient d'ailleurs, mais il est pris pour s'incarner dans des structures biologiques animales. Non, exactement. Et c'est sûr que c'est difficile, par contre, de faire abstraction de ce type de conditionnement social, étant donné que toute la société tourne alentour de ça. Oui, ben c'est la société, c'est le résultat de ça. C'est comme des structures pour réguler ces énergies-là. Parce que l'être humain, c'est un animal social. Donc, il y a une société. Puis ça régule les énergies. Puis c'est comme quand il y a une termite qui n'a pas d'allure puis qui nuit aux autres, ben il sort de la termitière, ben l'être humain, il fait pareil. Fait qu'on est comme. Mais le problème, c'est qu'il faut pas qu'on reste des bébites pour toujours. Oui, parce qu'il faut transcender la condition animale pour être capable éventuellement de monter en conscience, puis d'être au-delà de l'animalité pour être capable d'être libre des formes qui se rapportent à la manifestation biologique pour éventuellement résider sur le plan éthérique. Parce que l'être humain, il est fait pour la conscience, c'est-à-dire. Il est fait pour intégrer tranquillement les sciences de sa propre existence. Il n'est pas une bébite qui obéit à des stimuli, puis là, il fait frette, fait qu'elle ralentit, puis là, elle va au soleil, puis il faut... Il y a plus que ça, là. Il faut que... Puis même, de toute façon, ces choses-là, c'est inévitable, c'est-à-dire que il y a des gens qui ils ont des vies comme ça, qui en sont satisfaits, et puis ils vont en avoir des chocs. Puis, ça ne sera plus pareil après. Tout ce qu'ils appréciaient, il y a des choses, ça sera plus, ça va être différent. Ils n'arriveront plus à revenir en arrière. Mais il faut que ça se fasse contre leur gré parce que c'est de l'inconfort. Oui, exactement. Il n'y a personne là, qui voudrait volontairement vivre des inconforts puis des choses. Parce que se transformer, c'est. Il y a un modelage, là. Il y a des choses qui se déforment, qui se détruisent, qui éclatent. Il y en a d'autres qui se construisent. Fait que c'est de l'inconfort. Oui, bien, c'est sûr que ce qu'il faut voir aussi, c'est l'occulte de notre existence, dans le sens qu'il y a l'esprit qui peut mettre en place des événements pour justement nous amener dans un processus d'évolution malgré nous, dans le sens que les forces vont essayer de pousser à travers l'individu pour qu'il monte en vibration puis qu'il intègre leur énergie. Ben souvent, chez moi, par exemple, ça va se manifester par de la colère. D'habitude, là, quand je ressens de la colère, là, c'est l'esprit qui essaie de percer la couche là, de subjectivité. Il y a quelque chose, il y a de l'énergie là, qui bloque, puis ça fait que je suis en colère. Mais juste le fait de l'observer, ben, je me dis, ben là, j'ai de la colère, puis souvent, si je m'arrête, puis je me calme, là, ça passe, là, je vois. Je vois mieux, mais... C'est ça. Avant, ça passait des fois ces forces-là qui essaient de. C'est comme il y a quelque chose que l'ego n'est pas capable de prendre, mm-hmm. n'est pas capable de voir. Puis ces forces-là bloquent, puis ça essaie de traverser, puis ça va se manifester par de la frustration, de la tristesse. C'est-à-dire qu'on réfléchit notre condition, puis on se rend compte qu'on l'a subi, puis ça engendre des sentiments. C'est-à-dire de l'énergie qui n'est pas utilisée consciemment. Oui, bien, je t'arrête ici parce que par rapport à la colère, c'est intéressant. Parce que je te dirais que quand que j'ai vécu l'accident, c'est-à-dire lorsque La voiture a heurté la bordure en métal, puis elle s'est retournée sur elle-même. Ça m'a sorti de l'ambiance de réflexion, du brouillard astral dans lequel je me trouvais, puis j'ai rentré spontanément dans un état de colère. Oui. Puis je me suis mis à prononcer des jurons en québécois, je me suis mis à sacrer. Dans le fond, ça m'a amené dans un état d'éveil, puis j'ai senti la vibration d'esprit, whoop, qui est rentrée à l'intérieur de moi, là, puis ça a tout tassé l'astral instantanément, là. C'est comme ça m'a réveillé. Ah oui. Fait Oui, que, ben, ouais. ça donne de la volonté aussi, la colère. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est tout. Moi, mes yeux, je commence à voir là, quand c'est l'esprit là, qui essaie de traverser, là, parce que je suis dans une situation qui fait que j'évolue pas. Puis que là, il se prépare des choses, je vais vivre l'expérimental à cause de ça. Je sens déjà l'énergie, déjà. Puis là, je vais vivre la colère. Puis habituellement, c'est tout simplement parce que je suis en train de devenir, d'entrer un peu, si on peut dire, dans mon intelligence. Là, c'est normal que ça passe par de la colère au début, là. Oui, exactement, parce qu'il faut qu'il y ait une énergie de l'esprit qui traverse la couche astrale qui pouvait nous recouvrir pour la perforer, puis Oui. amener ensuite un changement dans notre aura pour la dépolluer de l'énergie astrale, puis qu'elle soit substituée par l'énergie éthérique de l'esprit. Ben c'est ça. Puis si la colère est assez forte, puis bien dirigée pour faire éclater les formes qui nuisaient, ben là, si c'est fait comme il faut, habituellement, là, ça va pas. Il va y avoir un état de non-retour, là. C'est pas possible de. Mais la colère, après, ces formes-là qui éclatent, ça libère de l'énergie, puis ça peut devenir de la volonté. Parce que là, quelqu'un qui est en colère contre sa condition, ben il faut à un moment donné qu'il ait la volonté de se battre contre. Mais là, pour ça, il faut qu'il intègre des lois de comment ça marche, pourquoi qu'il est dans cette condition-là. Puis tout ça naît de l'évolution, mais ça passe par de l'expérimental. C'est juste ça qui est déplorable un peu, là. Mais ça pourrait fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que l'esprit vient briser toutes les formes d'un coup, puis il n'y a même pas besoin de colère. Ça devient un mouvement qui dirige vers. Au lieu de briser des formes avec la colère, puis de faire de la volonté avec, ben la volonté devient un mouvement, puis il n'y a pas tout ce processus. Parce que c'est fastidieux pour l'ego. Ouais, ben c'est sûr que quand que je regarde les choses avec le recul par rapport à l'événement en choc, donc l'accident d'automobile, avant l'accident, j'étais plus en lien avec l'astral. J'étais depuis un certain nombre de jours dans un climat de réflexion où c'est ça, je me sentais pas comme les autres, j'avais pas de famille, blablabla, donc ça tournait en tête. Puis là, whoop, j'ai l'accident, ça me sort de ça. Puis là, je suis dans l'énergie de l'esprit. Puis suite à l'accident, je vibrais pas à la peur. Puis je vibrais plus à la vibration de la colère. Puis moi, l'événement m'a dynamisé pour me sortir d'une forme de brouillard astral. Puis aujourd'hui, c'est clair que en tant qu'être humain, je m'assume, mais j'ai pas de famille, j'ai pas de famille. C'est ainsi. Puis, Ben mais je me oui. développe autrement, par exemple. Je développe mon individualité, puis ça m'amène plus loin dans l'intégration de l'énergie que j'ai, d'être conscient, d'être prêt à assumer ma condition humaine. Ben, à un moment donné, on finit par se rendre compte, c'est ceux qui ont des familles, au fond, qui envient ceux qui en ont pas, des fois. Mais ça dépend à quel Parce que. moment, parce que là, on est sur le proche Ouais. du temps des moments proches des temps des fêtes, puis il y a beaucoup de familles qui vont se réunir bientôt. Puis là, c'est sûr que je repensais à ma compagne, qu'habituellement je la voyais pendant le temps des fêtes. Fait que là, je suis tombé un peu dans une ambiance de nostalgie. Ah oh, oui. Oups. Mais Eh bien. momentané, momentané. OK, moi. Parce que je me souviens, moi, dans le temps des fêtes, ça voulait dire faut que j'aille dans la belle famille. Puis ça me tentait pas. J'ai pas vraiment de nostalgie de ça. Moi, je m'entendais C'est bien avec mon ex-belle-famille, mais le point que je voulais amener, c'est vrai qu'en effet, comme tu le mentionnes, des fois, c'est les gens qui sont en famille qui aimeraient avoir plus de temps libre, comme ceux qui sont célibataires, mais des fois, quand les gens sont célibataires depuis longtemps, ben là, ils s'ennuient. Fait que, tu sais, il y a différentes polarités par rapport à ça. Ben là, c'est comme l'ennui. Ça dépend tout le temps de la personne, là. Parce que c'est comme, moi j'ai beaucoup de difficultés à m'ennuyer. Je peux pas m'ennuyer. Quand je m'ennuie vraiment, je dors dans mon fauteuil. Donc c'est pas très pénible, là. Ha ha ha. Je trouve ça difficile de s'ennuyer parce que, mettons que je fais quelque chose de bien simple, même si c'est passer le balai, ben, je vais être à fond dans ce que je fais, puis je vais essayer de faire toujours mieux, là. Ça en est quasiment, mais c'est juste pour rendre la tâche, là, intéressante. Mais peu importe ce que je fais, c'est jamais plate. Mais des fois, c'est vrai que, mais d'autres fois, non, au contraire, j'aimerais ça pour avoir du temps seul des fois, puis je peux pas. Mais moi, quand même, j'ai toujours été solitaire, là, quand même, puis pourtant, j'avais des amis. Puis là, souvent, là, j'avais plein de gens chez moi, puis je finissais par devenir irritable, puis je mettais tout le monde dehors. Puis ça, c'était de la colère qui se manifestait parce que je me respectais pas dans mon espace personnel, tout simplement. Mais en tout cas, pour la colère, là, c'est comme on parle beaucoup contre la colère, j'ai remarqué ça, la gestion de la colère, puis Ben, ça dépend quand on des parle. gens. En ce qui me concerne, c'est pas le cas. Mais en effet, dans la psychologie populaire, dans le nouvel âge, Ouais. puis socialement aussi, souvent la colère, c'est vu comme étant pas beau. Ah, c'est ça. Puis moi, pourtant, puis même dans le judaïsme, je pense que c'est vu comme un des pires péchés. Parce que tout est volonté de Hachem, puis là, dès qu'on est en colère, on pose un péché. Puis pourtant, moi, à mes yeux, quelqu'un qui n'a pas de colère, c'est parce qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'intelligence, il se passe rien. Il peut pas Exactement. changer. Donc, Ben, il peut pas c'est arriver sûr rien. que ici, il faut comprendre la colère pour les gens qui nous écoutent dans le sens de la colère mentale, qui est une colère Oui. vibratoire qui est propulsée par le feu de l'esprit lorsque la personne a le feu au cul, lorsque la personne est vraiment très contrariée dans sa vie, ben là, elle est mise en vibration pour agir, pour passer à l'action, faire un changement, exercer sa volonté, à ne pas confondre avec la colère subjective de l'ego ou de l'âme. Oui, parce que la colère de la subjective, ben, elle sert à rien comme dans ton affaire d'accident qui est arrivé. Si tu es en colère contre toi-même psychologiquement, ben là, tu perds de l'énergie parce que c'est l'estime de soi là, Qui est attaqué. qui paye, ben oui. C'est pas une Exactement. colère intelligente. Non, non, mais non, je me sens pas coupable parce que la colère retournée Ça. contre soi-même donne le sentiment subjectif de la culpabilité quand c'est mélangé à de la réflexion. Ouais. Tandis que la colère dans l'événement, ça m'a saisi. Tu sais, je me sentis totalement présent. Puis ça fait de la place. Ça a libéré l'astral, la brume astrale, puis. Depuis ce temps-là, j'ai une volonté ferme en disant, ben là, je vis ma vie pour moi, j'ai aucun compte à rendre à la société, puis le pattern social dans une famille, si je le vis pas, je le vis pas, c'est tout. J'ai pas à me réfléchir là-dedans ou me sentir anormal ou coupable ou moins que rien. Ben oui, puis de toute façon, les gens là qui ont un besoin là, il y a quelque chose des fois en eux là de fort là, qui ont comme l'instinct parental, ben il y a rien qui les empêche de s'impliquer avec leur famille, puis à faire du bénévolat ou ça peut être canalisé puis ça peut servir. Oui, exactement. Mais sinon, pour ce qui est de l'ennui, c'est un sujet intéressant à aborder, dans le sens que lorsqu'on est en contact avec l'esprit qui est créatif, quand même qu'on soit sans voir personne pendant plusieurs heures, ben en contact avec cette énergie-là, on peut vivre une communication télépathique, on peut recevoir des idées qui peuvent nous Ben, dynamiser pareil, même dans la solitude. c'est comme dans mon cas, moi c'est essentiel, là. J'ai besoin de temps en temps de me retrouver seul, puis c'est là où je me recharge. J'ai réellement là l'impression que je recharge mes batteries. Donc la solitude, ça dépend. Au fond, la solitude, c'est encore un concept qui est mal compris parce que des gens qui veulent vivre totalement coupés du monde, j'ai jamais vu ça vraiment, là. Il y a tout le temps une interaction possible avec ces gens-là, c'est juste que souvent, ils n'ont pas les valeurs de la société. Mais si on les approche comme il faut, on se rend compte qu'ils sont sociables comme tout le monde. Et c'est des gens, c'est rare, là, à part des cas de maladie, des cas de troubles de la personnalité, j'ai jamais vu des gens qui veulent vivre totalement coupés du monde. Peut-être à part des cas graves, là, comme le Théodore Kaczynski, le terroriste qui vivait dans une cabane dans le bois. Ben, même là, il y avait des rapports avec son frère, avec sa famille. J'ai jamais vu des gens qui vivent vraiment coupés du monde, là, qui veulent une solitude totale. J'ai jamais vu ça. Même les maîtres taoïstes qui disaient de ne pas vivre dans la société, il y avait du monde autour, il y avait des disciples, il y avait une vie pareille. Oui, ben c'est sûr qu'en effet, des gens qui sont totalement tout seuls, moi j'en connais pas, puis on pourrait pas les connaître parce qu'ils seraient totalement tout seuls. Ben, c'est ça. Ouais. Mais il reste que des fois, il y a des cas, là, des études psychologiques de des cas, comme des gens qui ont été retrouvés décédés des fois des décennies après, qui vivaient totalement seuls. Mais ces gens-là, c'est pas des individus, c'est des gens qui ont des problèmes graves là, de la personnalité. Souvent, justement, à cause là, des expériences mal intégrées, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais il reste que un individu sain, il peut pas vouloir vivre coupé totalement du monde. À moins de. Même les sœurs qui vont se cloîtrer, ils vivent ensemble. Oui, parce que c'est une forme de communauté, une micro-société en Oui. dehors de la société au large. Ben, c'est comme si, au fond, l'être humain, il veut pas se couper de la société. Il veut une société qui est vibratoirement confortable. Souvent, il y a des gens plus spiritualisés, ben, ils vont se retrouver ensemble. C'est normal. Oui, qui se ressemble, ça semble. Même chose pour ce qui est du domaine de la conscience supramentale. C'est sûr que en faisant des vidéos sur YouTube, ayant un compte Facebook aussi depuis un certain nombre de semaines, ça m'a permis de faire du réseautage, puis de rencontrer, puis de discuter là, avec différentes personnes. Ben, c'est pour ça que les choses comme les réseaux sociaux, moi je suis pas là-dessus, mais je le polarise pas non plus dans le négatif. Parce que même là, j'avais discuté avec des gens qui s'intéressaient à comment les États, par exemple, ils fichent les gens. Puis j'avais amené le fait que les réseaux sociaux, c'est les gens qui se fichent eux-mêmes. Puis il n'y a pas besoin de gros budget pour ficher les gens maintenant, il y a juste à aller sur les réseaux sociaux. Mais quand je regarde ça, il reste que si on regarde ce qui se passe en France, ben les réseaux sociaux, ils peuvent aussi servir là, à nuire à l'appareil qui les a, peut-être qu'il les subventionne sans qu'on le sache. Ben, c'est particulier. C'est sûr, les réseaux sociaux, si on pense par exemple à la dernière campagne présidentielle américaine, eh bien, il y a eu entre autres une compagnie de communication qui a fait du profilage à partir de Facebook en relation avec les informations que les gens ont divulguées pour cibler une campagne électorale en lien avec Facebook pour rejoindre certains électeurs américains qui allaient avoir de Ben l'impact oui. dans la balance pour que Ben, Donald Trump c'est soit bien élu. certain. C'est bien certain. Entre la propagande et le marketing, là, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est la même science. C'est la même chose. C'est de la programmation. C'est du conditionnement. Puis les réseaux sociaux peuvent servir autant à conditionner qu'à réveiller. C'est pour ça que je les polarise pas dans le négatif. C'est comme si on regarde des institutions comme le Collège des médecins ou des choses comme ça. J'entends des gens qui polarisent ça dans le négatif. Oh, les institutions luciférienne. Puis ben oui, mais il y a du. C'est pas polarisé. Il y a du bon monde aussi là-dedans. Que c'est pas des idiots. C'est juste d'avoir le discernement quand que on fait appel à un collectif comme ça d'aller voir le monde qui vont pouvoir aider vraiment. Mais là, c'est d'avoir l'intuition, là, puis ma part ça, c'est pareil pour tout, là. Oui, c'est sûr qu'il faut aller au-delà des polarités. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a certaines des vidéos où tu apparais sur YouTube qui ont été partagées sur Facebook. Ah oui, bon. Ben, je suis pas vraiment au courant. Il y a des fois, là, on m'en parle, puis là, ça me dit, ah, là, il y en a, ils s'astinent à propos de telle affaire. Puis là, t'as une vidéo qui est là. Puis je vais avec. Donc, puis j'essaie de pas trop m'attarder à ça. Puis c'est comme à un moment donné, bon, j'ai eu un virus, mon ordinateur, il a sauté, puis j'ai décidé que c'était pas une priorité d'en racheter un. Puis là, le monde autour, il trouve. J'ai pas de manque d'Internet. J'ai pas de. Ça me manque pas vraiment. Peut-être à part pour l'utilité, mais là, quand c'est vraiment des choses importantes, là, je vais sur des ordinateurs de gens dans mon entourage. Des fois, je pense à faire, tu sais, ceux que c'est pas, peut-être pas aussi, pire qu'à d'autres, là, mais des fois, je me dis, c'est aussi bien, je pourrais avoir rien à mon nom. Puis, oui, bien, comme ça, tu serais insaisissable comme le Doc Mayhew. C'est-à-dire que lui, s'est organisé pour que ses principaux avoirs, sa ferme, ses animaux, sa maison, soit au nom d'autres personnes. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui le poursuit trop fortement, ben il ne pourra pas se faire saisir les choses. Ben non. Il a mis en place son insolvabilité. Ils sont pas pour saisir ses chemises puis ses culottes, là. Il n'y a rien à saisir. Exactement. Ben c'est comme pour comme ton accident, là, qu'il y a un choc. Il y a des gens qui vont polariser dans le négatif les institutions, les institutions sociales. Puis tout d'un coup, ils vont avoir un choc dans leur vie. Puis là, ils sont obligés de prendre un avocat. Puis là, ils sont obligés de se défendre, puis d'aller plaider leur cause. Ben ça, c'est dans le fond, ils intègrent ce qu'eux-mêmes, ils appellent du luciférien. Mais ça fait partie de leur évolution. Mais ils ne savaient pas avant. Oui, mais c'est subtil. Ce que tu veux dire, c'est que, dans le fond, de contester des choses avec un avocat, ça peut faire partie d'un développement d'un individu pour l'amener à développer plus de la volonté? Ben oui, parce que quand vous êtes lésé de ne pas se défendre avec les structures qui sont là sous prétexte que, bon, la société luciférienne puis est subjective, puis c'est ça marche par la prédation, puis là, ils polarisent ça dans le négatif, mais si vous êtes lésé, puis que il y a possibilité d'obtenir un dédommagement, puis vous le faites pas, là, c'est pas intelligent. Moi, à mes yeux, c'est pas intelligent. Vous perdez de l'énergie, il y a des structures en place que si vous intégrez les lois de ça, vous pouvez la récupérer, puis vous le faites pas. Parce que c'est luciférien. Puis les avocats, c'est tout des pourris. Puis, moi, je crois pas à ça, le système légal. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a qui se ferment de certains outils légaux sous prétexte que le système est pas beau pour s'en éloigner, puis sont comme dans une forme d'évitement. C'est sûr que moi, quand j'ai eu mon accident, ben l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai appelé ma compagnie d'assurance, puis là, ils m'ont prêté une auto. Ils sont supposés de faire... ça va être soit les réparations, en fait, sur la voiture de plusieurs milliers de dollars, ou ils vont déclarer perte totale, puis je vais en avoir une autre. Mais c'est ça. C'est que j'utilise les institutions, dans le sens que la compagnie d'assurance... Oui. Non, moi, je me ferme pas aux institutions ou à l'argent. Tu sais, comme il y a des gens qui font des vœux de pauvreté, et puis ils voudront pas jamais faire d'argent, puis ils vont tout le temps être dans une situation de précarité, tu sais. Il y a un frère de la mère de mon père qui était franciscain, puis il était trésorier de sa patente, là. Puis le vœu de pauvreté, mon cul, là, il se promenait, lui, il avait un chauffeur, puis les voyages à Rome, puis il était tout le temps dans des hôtels. Fait que ces affaires-là, il faut voir que le vœu de pauvreté, là-dedans, là, il y a de l'hypocrisie. Parce que ces institutions-là, là, de vœux de pauvreté, quand il reste juste là, 5-6 sœurs là, sur une grosse congrégation qui a 200 quelques années, ben, ils sont toutes millionnaires. Oui, ben c'est ça. Ça fait partie du paradoxe, entre autres, associé à la religion catholique. Là, quoique le pape actuel, François, a agi de manière à avoir... une vie moins somptueuse là, que ses prédécesseurs. Oui, mais à mes yeux, ça, c'est de la gestion de l'image puis des relations publiques. Parce que dans le privé, on ne le sait pas. Là. Peut-être que lui, dans le privé, ben c'est la même affaire. Là. C'est les affaires pas mal somptueuses, puis ça doit être un pas pire train de vie. Parce qu'il est pas gros de même pour le fun. dans le fond, oui, il est gros de même pour le fun. Non, ben, on ne sait pas, mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas se fier aux apparences là, par rapport à ce qu'on nous présente dans les médias. Mais à l'égard de la religion, je suis de l'avis de Jean Chiesso, qui a sorti un livre en cet automne 2018 où il va contester les religions. Puis pour lui, les religions devraient payer des impôts au Québec comme tous les autres citoyens ou institutions privées. Ben, c'est comme... Le Vatican, c'est pas à but non lucratif, c'est une banque. Moi, j'ai jamais vu ça, une banque à but non lucratif, à moins une caisse pour des coopératives ou pour... Mais à part ça, là, je veux dire, c'est à but lucratif, ces institutions-là. C'est pour ça qu'il y avait la dîme, puis qu'il y a la capitation puis ces choses-là. Puis c'est comme ici, là, il y a une bâtisse qui appartient à l'Église catholique, mais là, c'est tout séparé en hiérarchisé, donc c'est blabla, là, la fabrique du diocèse, là, je sais pas quoi. Puis c'est en train de tomber à terre, ça. Puis ils veulent pas mettre d'argent. Ils font des... ils quittent pour faire réparer la bâtisse. Mais ils l'ont, l'argent. Ils l'ont, c'est juste qu'il est à Rome. Ben, c'est cela que j'allais dire. C'est peut-être pas la paroisse, mais c'est au siège social à Rome que... Là, ben là, toutes les dîmes, puis le ci, puis le ça, ça n'a pas juste payé des baptêmes, ils envoient un tribut à Rome, eux autres, depuis des décennies. Il y a dans le temps, là aujourd'hui, ils doivent plus, ça ne doit pas être si payant que ça, l'Église, mais dans le temps, ça rapportait, puis le pire, c'est que c'était des pauvres qui donnaient, mais il y en avait tellement que tout le monde qui donne 2 cents par ici, par là, ça commence à faire de l'argent. C'est pas juste pour payer des ornements, puis des robes, là, de leur patente, là, les chasubles, puis ces choses-là. Il a envoyé un tribut à Rome, c'est normal, parce que c'est pyramidal, cette affaire-là. Là, moi, je suis pas spécialiste de comment ça fonctionne, là, mais le Vatican, ça s'est pas construit avec juste des biens locaux, certainement, là. Puis ce qui est, c'est centralisé, là. C'est une structure centralisée. Puis là, quand c'est le temps de tirer de l'énergie, là, c'est correct. Puis là, quand ça serait le temps de remettre de l'énergie pour entretenir des structures, au fond, qu'eux autres, à l'autre bout, ils s'en foutent parce qu'il n'y en a plus de monde qui viennent dans les églises ici, bien, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie d'envoyer de l'argent. Ils aiment bien mieux envoyer de l'argent en Amérique du Sud où il y a encore des gens naïfs qui vont leur servir. Bien, c'est sûr qu'il y a des opportunités pour qu'ils prennent de l'expansion encore dans certaines zones du globe, que ce soit en Amérique du Sud, entre autres, ou qu'ils peuvent aller chercher justement des parts de marché avec une nouvelle clientèle. Là, parce que c'est sûr que dans les pays occidentaux, il y a une plus grande contestation de la religion qui s'est faite au fil du temps. D'ailleurs, ça m'amène à te parler du fait qu'au Québec, on vit un changement social sans précédent. Depuis la Révolution tranquille, c'est-à-dire que les églises ici se vident à vitesse grand V. Donc, il y a un délaissement là, très rapide au niveau historique. Là, on parle quand même de quelques décennies où une population qui jadis, la plupart des Québécois allaient à la messe tous les dimanches, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de pratique religieuse et c'est appelé à disparaître. Bien, il va toujours rester des catholiques au Québec là, pendant longtemps, là. Mais ça va être, c'est sûr que ça va rester une minorité. Mais au fond, les autres, c'est parce que c'est des catholiques culturels. C'est pas il va toujours rester dans mon coin là, il y avait des gens là, différents groupes là, puis c'était des groupes catholiques. Puis ces gens-là là, il y a personne qui va les empêcher d'être catholiques, c'est impossible. Puis c'est pareil pour leurs enfants, on dirait que c'est héréditaire. Eux autres, ils constituent des noyaux qu'ils vont toujours... Mais là, ça va finir par devenir ce qu'on pourrait dire des mouvements marginaux, là, des sectaires. Puis plus ça va, plus les gens, en général, vont voir ça comme ça. Parce que je me souviens quand j'étais enfant, puis que je voyais des madames là, qui allaient dans les cercles de prière, là, puis... Il y avait des oratoires dans des sous-sols. Quand j'étais petit, moi, je trouvais ça malsain. Puis je sentais comme une vibration. J'aimais pas ça. Puis, ben, avec le temps, ben, ouais, il y a de plus en plus de monde qui vont sentir ce que je sentais. Oui. Puis, ces gens-là qui continuent là, à faire leur chapelet, puis à caresser des statues, puis qui se rendent pas compte qu'il y a de quoi là-dedans qui est malsain, ben, il va tout le temps rester quand même. Mais ça va être peut-être... En tout cas, les affaires comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, je pense pas qu'ils vont en avoir d'autres au Québec. Les statues qui saignent de la face, puis tout le monde croit à ça, là. Puis les médias sont rendus là, puis les pèlerinages. Aujourd'hui, là, il y aurait des affaires, un phénomène semblable, puis il va y avoir une majorité de gens qui pensent que c'est une fraude. Il n'y aura pas, comme dans le temps, un paquet de monde qui se met à y croire, puis les autobus, puis ça finit plus. Ouais. Parce que les gens, bon, ben, les gens ont plus un esprit qui est détaché du conditionnement religieux là, qui régnait ici là, jusqu'à la période de la Révolution tranquille. Et puis on entre dans l'ère de la laïcité de plus en plus, dans le sens qu'on sent présentement une volonté, en tout cas du gouvernement actuel, d'amener dans la place publique des changements, à savoir que des gens en pouvoir, que ce soit juges, policiers, enseignants, n'aient pas de signes religieux ostentatoires. Là, il y a une volonté pour aller dans ce sens-là. Ben, c'est pas une mauvaise chose. Parce que si j'arrive devant un juge, puis qu'il a une kippa sur la tête, ou peu importe, ben là, moi, c'est difficile pour moi de considérer l'institution comme valable. Parce que la personne qui est là comme l'ultime autorité, ben cette personne-là, je vois quelque chose qui fait que moi, ben, je peux pas considérer qu'il y a de la conscience, là. Puis c'est difficile de trouver un tribunal légitime pour. C'est sûr que là, je me dirais, ben là, intérieurement, en tout cas, je pourrais pas considérer comme légitime un procès avec un juge qui a des. Puis même là, ça va assez loin parce que même les Britanniques avec leurs perruques, je commence à être tanné, moi. Je trouve ça ridicule, puis je comprends pas que le monde accepte ça encore. Puis même eux, j'ai la misère à croire qu'ils veulent pas réformer ça, mais là, c'est des Anglais, donc ils ont des mémoires particulières. Le pire, c'est que ça vient de la France, ces perruques-là. C'est très étrange. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a des costumes, entre autres, ou des coutumes anciennes, ou, tu sais, si je pense, par exemple, au Canada, avec les lieutenants-gouverneurs qui sont supposés de représenter la reine, qui ont un rôle symbolique. Pour moi, ça devrait... Tout ça est aboli là, le plus rapidement possible là, parce que c'est une perte d'énergie. Oui, puis ça maintient des structures qui ne servent pas, puis qui tirent de l'énergie. Puis c'est des histoires de titres, puis de bon, c'est des résultats pompeux. Puis ça, ben la vibration des masses va est plus impressionnée par ça. C'est, les gens sont plus... Il y a quelque chose quand même qui a changé au niveau collectif sur ça. Puis... Même là, même s'il y a une majorité de tata, mais maintenant, des fois, il arrive qu'il y en a un dans la gang qui finit par dire ce qu'il en pense, puis toutes les autres finissent par voir quelque chose, puis ça finit que là, il y a une majorité qui trouve ça ridicule. Puis c'est un peu ça qui est fini par arriver. Puis ces choses-là, bon, c'est comme quand la reine, elle s'en va visiter quelque chose en Ontario, ben là, c'est sûr que c'est le gros party, puis eux autres, parce que c'est des histoires de mémoire. Puis là, il y en a qui nous diraient, ben, vous autres, ben, vous avez une mémoire de conquis. Fait que c'est pour ça que ça vous chatouille, ça. Mais pour être bien franc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça serait, comment que ça serait... Tu sais, c'est un peu comme, à un moment donné, ils voulaient un roi au lac Saint-Jean. Mm-hmm. Ils se sont fait un roi avec des bijoux de la couronne, toute la patente. C'était tout aussi ridicule. Ben, ça peut être un mouvement de réaction par rapport à la conquête qui a amené une soumission des gens canadiens français à l'autorité britannique sur le plan historique. Ben oui. Ben, au fond, ce qu'ils ont fait au lac Saint-Jean, c'était un peu une parodie, puis c'était comique, puis c'était lié au tourisme. Là. Mais il reste que... C'est pas l'affaire qu'il nous reste des mémoires de traumatismes coloniaux, puis... Puis j'en ai vu pourtant de ça, parce que quand, si vous allez dans les maritimes, là, dans le coin de l'Acadie, il y en a, ils braillent encore pour la déportation, puis c'est aussi pire que des Juifs qui parlent de l'Holocauste, là. Puis il y a du monde, là, ils viennent vraiment émotifs, là. Puis les larmes, puis tout, puis pourtant, ouais, on ça s'est passé au 18e siècle. Ils ne feront pas croire qu'ils l'ont vécu. Puis pourtant, là, il y a la grosse peine, puis ils entretiennent ces mémoires-là. Mais quelque part, c'est pour engendrer de la culpabilité, puis il y a des subventions peut-être qui arrivent après. Je le sais pas. Mais maintenant, là, dès qu'il y a des... Ça veut là, faire vibrer une corde, là, je me méfie. Parce que la corde, elle nous endort, puis après ça, c'est là qu'on a le choc. Ça, tu sais, ça... Oui, oui. C'est sûr que présentement, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire vibrer émotivement la population. Ben en fait, c'est tout, ça a été toujours comme ça, hein. Tu sais, que ce soit la religion, que ce soit par la suite la monarchie, avec l'attachement à la reine. Il y a eu différentes choses qui ont été amenées pour créer un sentiment d'appartenance par rapport à des structures, puis de s'émotiver en lien avec ça. Puis si on en regarde plus récemment... Oui? Ben ça change beaucoup, là, d'un contexte à l'autre. Parce que les monarchies, des fois, c'était pas de créer un attachement, c'était carrément de créer de la crainte. Puis d'autorité. Mais ça vient aussi des fois avec un attachement dans le sens, comme l'histoire là, du Maharaja là, qui était incompétent, mais de temps en temps, il relâchait un tigre qui mangeait deux, trois personnes, puis après, lui, il envoyait son monde pour chasser le tigre, puis il le réenfermait dans sa cage, puis là, tout le monde, merci, merci. Oui, Pour c'est ça, c'était un discutable. C'est sûr incompétent. que, en effet, c'est discutable. En fait, ce que j'avais en tête, c'était plus au niveau, par exemple, aux militaires canadiens qui doivent prêter allégeance à la reine d'Angleterre lorsqu'ils entrent dans les forces armées. Oh, ben là, ils vont dire c'est symbolique. Ben là, c'est certain que c'est symbolique. Ils ne me feront pas croire que les soldats canadiens se battent avec la reine dans la tête. Tu sais que quand ils sont en train de faire leur mission, qu'ils font ça pour la reine, là. Ça n'a rien à voir, mais pourtant, pour des raisons cérémonieuses, puis symboliques. Puis ils vont faire ça, mais c'est pour des raisons psychologiques, parce que même si ça agit pas sur l'ego au niveau conscient, ça agit bien, au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire des couches là, qui sont liées et qu'il y a de la... En tout cas, l'inconscient puis l'astral, c'est pas mal pareil. Puis ces affaires-là, c'est fort. Oui, ben dans le Mais... sens que l'énergie astrale, qui est composée d'êtres décédés, peut être mise en relation avec ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ouais. C'est-à-dire que ce que les gens n'ont pas nécessairement conscience, puis qu'ils les travaillent à leur insu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont astralisés malgré eux, c'est-à-dire qu'ils sont sous influence de force, de conditionnement, d'éléments mémoriels qui leur échappent. Ben, c'est ça. C'est ça parce que même si la forme n'appartient pas à la conscience, c'est agissant sous la surface. Puis, c'est très fort, c'est des choses très fortes. C'est comme si on regarde des suggestions, là, quand on regarde comment c'est fait, une suggestion par un fascinateur où la suggestion, au fond, c'est banal, c'est toujours très simple. Plus c'est simple, plus c'est fort. Puis ça fonctionne comme ça. Donc c'est ça. Donc il y a des larmes, puis les cérémonies, puis là, mais c'est à double tranchant, ça, parce que c'est un peuple de colonisateurs. Donc en voulant faire vibrer la corde mémorielle, ils peuvent réveiller des mémoires liées à leur conquête, là. Les Anglais, là, ils sont mieux de pas trop ils sont mieux des fois de pas trop y aller fort sur ce côté-là, avec on le voit là avec les Irlandais, puis parce que c'est au fond, c'est des peuples conquis qui se considèrent pas comme des Anglais. Oui, c'est Au sûr que ça fond, peut hein. activer la contestation si les peuples conquérants, dans le fond, s'affichent trop fort. Oui, ça, ils vont réveiller des mémoires qui vont s'opposer. Puis là, ça devient difficile à gérer. C'est comme il y en a qui pensent que Macron, là, c'est un initié de certains groupes, puis qu'il mène tout, puis qu'il y a un... Ben, moi, je lisais son discours, puis il a pas l'air d'aller bien. Il a l'air de contrôler absolument rien, strict focal. Il avait pas l'air d'être en contrôle de rien du tout. On le voit on voit, là, que ça va pas. Ça se Ben, c'est un sent. dirigeant de la France, présentement qui est au pouvoir que je trouve, dans le fond, très bien articulé. C'est un jeune, mais en même temps, il n'est pas vibrant. Il n'y a pas un mental, Non. qui Il est permet de coaché. véhiculer. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, ce qu'ils réclament, les gilets jaunes, entre autres, je regardais les revendications. Ils n'en parlent pas aux nouvelles, mais il y a possibilité de les voir, là, leurs revendications. Puis, entre autres, c'est de rapatrier les 80 milliards qui disparaissent du pays chaque année, qui échappent au fisc. Mais le problème, c'est que c'est les gens qui ont mis Macron là. C'est leur argent. Lui, il est pris en tenaille entre le peuple puis ses patrons. Il peut pas rien faire. Au fond, peu importe ce qu'il fait, ça va mal tourner. Non, c'est sûr qu'il peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr qu'il y a ses commanditaires. Oh, je voudrais pas être à sa place. Non, Il faut, exactement. oh, c'est terrible. Puis là, j'ai l'impression qu'il était, ce qui passe par son système nerveux, ça doit être incroyable. La tension que cet homme-là vit, et puis au fond, tout ça, il l'a voulu, ben qu'il l'endure. Exactement, il a cherché à avoir le pouvoir. Là, il l'a en présentement de ses mains, donc qu'il assume. Ben, c'est comme un enfant là, qu'on lui propose, veux-tu deux bonbons tout de suite ou un sac plein dans une semaine? Ben, souvent, l'enfant, il va vouloir deux bonbons tout de suite. Et puis là, on a Macron. Ils lui ont proposé une belle qui serait le plus jeune président, puis en tout cas c'était bien beau puis tout, mais eux autres, ils s'en servent comme un mur pare-feu. C'est lui qui va payer. C'est lui qui va subir. C'est Exact. comme un bouclier humain, Macron, puis tous les ceux qui sont derrière, là, ben c'est pas eux qui vont. Ils s'en foutent, eux, comment que ça retournerait à des émeutes puis que ça finirait plus. Eux, ils ont des maisons un peu partout sur Terre. Ils vont s'en aller dans leur maison ailleurs en attendant que ça se calme. Puis Macron, lui, il faut qu'il reste à l'Élysée. Il faut qu'il reste à l'Élysée. Il faut qu'il gère. Il faut qu'il l'assume. Puis c'est le dindon de la farce. Après ça, les gens se demandent pourquoi, comment ça se fait que notre premier ministre a l'air à ce point d'un imbécile? Comment ça se fait que tel idiot est devenu président? Ben oui, mais c'est voulu. Il n'y a personne de conscient ou d'intelligent qui accepterait de payer pour une gang de pourris qui l'ont aidé à. Quand bien même ces gens-là prennent leur retraite puis qu'ils ont des millions. Et si leur système nerveux est fini, puis qu'ils sont malades, puis ils peuvent pas se déplacer nulle part sans être reconnus, sans être détestés, ben ces gens-là, au fond, ils font plus pitié que les gens qui essaient de soumettre. C'est terrible. Mais au fond, Influencé, c'est comme. ouais. Mais c'est sûr que ça me fait penser, entre autres, à Barack Obama, qui, au cours des années qui a été au pouvoir à la présidence des États-Unis, on a vu ses cheveux blanchir à vitesse grand V, là, parce qu'il Oui. était sous tension, cet homme-là. Ben, c'est Ça ça fait l'est vieillir l'expérimental. prématurément. T'sais, j'ai l'impression que ça dévitalise Oui. beaucoup d'être au pouvoir dans des pays présentement, étant donné que la masse psychique est sous influence astrale. Ben oui, puis là, ces gens-là, au fond, là, c'est incroyable. Les dernières années de leur vie, ils ont un système nerveux complètement, là, atrophié. C'est un peu comme George Bush qui est décédé récemment. C'était pas drôle, là, les dernières années de sa vie. Puis, au fond, ces gens-là, c'est ça, c'est le système nerveux qui est pris pour gérer l'énergie qui passe à travers, mais un individu qui assume autant de vibrations, là, expérimentales, ça détruit le système nerveux. Puis surtout que souvent, c'est pas des gens qui font ça. Des gens réellement bien intentionnés, peut-être que l'énergie va être disponible sans que ça fasse ça. Mais la plupart, là, c'est par intérêt, puis c'est des gens qui servent de. C'est des choses qui sont déléguées par d'autres, au fond. Puis, au fond, c'est ça. Puis là, les gens, ils vont en plus détester ces gens-là, mais c'est des victimes un peu comme eux. Oui, C'est exactement. des. C'est juste la face visible d'un système. Puis en arrière d'eux, ben il y a des lobbies qui restent, dans le fond, au-delà du radar médiatique, dans le sens qu'on les verra jamais sur la place publique, mais qui ont beaucoup d'influence dans les coulisses. Ah, oh, il y a pire que des lobbies. Il y a pire que des lobbies parce que c'est certain qu'il y a de l'occulte aussi là-dedans. Donc, la personne, quelque part, il y a une programmation qui fait que elle est un peu là pour ça. Puis, ça va plus loin que ceux qui commanditent, là. Dans le sens qu'il y a des gens que c'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est des gens, ils se rendront jamais compte. Il y a des gens qui sont à des hauts postes, puis les gens pensent qu'ils en savent beaucoup, puis que c'est des gens très intelligents, puis alors que souvent, c'est pas le cas du tout. C'est des Exactement, gens. mais présentement, les gens qui sont au pouvoir, moi je trouve que sont créés et sont conçus pour être des créatures médiatiques. Si on regarde par exemple Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, ce gars-là, dans son passé, il a été professeur d'art dramatique. Donc, il faut le faire. Puis, un enseignant Oui. d'art dramatique, ça enseigne quoi? Ça enseigne, entre autres, avoir de fausses émotions, faire semblant de pleurer. Puis après ça, il va dans les médias, puis on le voit pleurer fréquemment, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est réel? Ben, le pire, c'est que, au fond, un bon acteur, c'est celui qui vit l'émotion pour vrai. Alors que Justin Trudeau, c'est un acteur de profession à mes yeux, mais ce n'est pas un bon acteur. Parce que là, comme ce qui est fait en Inde, là. Oui, on s'habille Et en hindou, là, avec un ouais. costume traditionnel. Ça fait rire beaucoup de Ça, gens, là. là. Ça montrait qu'il y avait pas d'identité Ben, dans le. c'est Oui. typique d'un pervers narcissique qui en fait trop sans s'en rendre compte. C'est juste qu'il en a fait trop. Il ne sait pas où. Ben, il voulait tellement être dans la peau du personnage qui vit en Inde que c'est habillé comme eux autres. Ben, tu sais, c'est comme s'il avait surjoué, là. Ouais. C'était rendu Peter Sellers, là. Donc, autrement dit, c'était un acteur qui était devenait plus crédible, comme un peu un acteur comique qui fait du burlesque. Ben, faut pas que l'acteur soit trop bon, parce qu'un bon acteur, il est sincère, puis il vit l'émotion de son personnage réellement. Puis là, ça finirait par faire un gars qui craque. C'est faut pas que ça soit trop un bon acteur, c'est près de ses émotions, un vrai acteur. Puis là, ça ferait un gars qui craque, puis qui finirait par dire, ben, je me suis fait manipuler, puis... Parce que Justin Trudeau, quand on regarde la lignée de sa mère, puis il est l'héritier de quoi, c'est quoi qui est au bout de ça, puis après, on regarde la lignée de son père, il est l'héritier de quoi, ce monsieur-là n'a pas besoin de faire de politique, là. Il est très, très, très riche. Mais l'affaire, c'est que peut-être qu'il y a du monde que, pour qu'il ait accès à son argent, qui n'est pas tout au Canada, ben, faut qu'il rende service à du monde lié à ces deux familles-là, peut-être. Fait que c'est toujours de se demander, bon, ben comment ça? C'est quoi le mobile? C'est quoi le motif? Est-ce que c'est vraiment là, pour le bien du Canada? Puis là, il y en a, ils vont dire, ah, c'est pour l'argent. Là, non, regardez, Justin Trudeau, il est l'héritier de deux grandes lignées, là, deux grosses fortunes. Il n'a pas besoin de faire de politique. Donc, comment ça? C'est quoi le... Mais en tout cas, on sait qu'il aime prendre des photos en selfie avec des gens. Il aime avoir l'attention du public, être admiré... Donc, c'est un... Ça se peut que ce soit lié au pouvoir, mais en tant qu'une drogue, une perversion. Parce que des fois, je trouve qu'il a l'air idiot, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas idiot. J'ai l'impression qu'il y a une certaine... Il est intelligent, mais il fait l'imbécile des fois. Oui, ben il cherche à avoir l'attention, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui est intelligent dans le sens supramental. Parce que j'ai jamais vu parler vibratoirement. Je parle de l'intelligence d'un prédateur. Ou de la haute intellectualité, la haute spiritualité, tu sais. Ça revient au même. Oui. Ça revient au même. Ça revient au même parce qu'on parlait de l'Église là, tout à l'heure. Moi, ouais. Pour moi, ces gens-là, c'est des prédateurs. Puis je parle pas là, de tous les scandales d'abus, je parle en général. C'est des prédateurs de l'argent, de l'énergie, de en tout cas. Puis je parle, là, je généralise parce qu'il y en a du bon monde là-dedans aussi. Là, j'en ai vu. Mais, ben, pas, c'est arrivé une fois, mais en tout cas. Mais il reste que ça revient à la politique. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va être placé, il va être placé dans une structure, puis il va, lui, il va gérer l'énergie à notre place. C'est ça, là, l'affaire, là. C'est qu'on leur délègue notre pouvoir de gestion. C'est ça. Puis on se soumet à leur autorité. Parce que le religieux, lui, c'est lui qui donne l'extrême onction. C'est comme si lui qui va gérer, tu sais, dans le fond, c'est même pas de ses affaires. Puis c'est comme, là, le politicien, lui, on paye des impôts, des taxes, puis gère ça pour nous autres, puis il nous représente à l'international. Mais c'est dès qu'on délègue, s'il y a de l'énergie, là, qui n'est pas assumée par l'ego, puis qui est gérée par des structures externes avec du monde dedans. Puis là, du monde, ça, c'est pas juste... C'est aussi des portails pour toutes sortes d'affaires. C'est-à-dire que il y a du monde, ben c'est dans le fond, c'est comme si l'être humain, il y a des forces qui se sont psychologisées, on peut dire, parce que on est incarné dans des corps biologiques. Puis un animal qui n'est pas capable de synthétiser certaines protéines, comme une plante, ben il faut qu'il les prenne ailleurs. Puis la plupart du temps, c'est dans l'organisme d'un autre être vivant. Puis l'être humain, il y a ça. C'est comme sa base planétaire, ça. Puis c'est pour ça que ça soit dans n'importe quoi, la religion, la finance, la politique, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil parce que c'est du monde. Ben les gens sont pas nécessairement conscients. Fait que souvent, malgré eux, ils vont pas rester les énergies vitales des autres, étant donné qu'ils sont pas branchés sur l'esprit pour s'auto-générer vibratoirement. Ben s'ils étaient conscients de ça... Il pourrait plus. Il n'y arriverait pas. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont dans le domaine de la conscience, puis ils ont bien de la misère en affaires. Ils ont bien de la misère, tout ce qui est lié à protéger leurs intérêts. Pourquoi? Parce que ces affaires-là, ça en est des affaires liées à de l'animalité, puis eux autres, ils voient d'autres choses. Mais là, ça fait qu'on n'intègre pas certaines affaires, puis là, on devient des proies. Oui, quelqu'un qui C'est se ça que. spiritualise puis veut voir la réalité avec des lunettes roses au lieu de l'avoir pour ce qu'elle est avec des lunettes transparentes, ben là, il y a un Oui. regard biaisé, puis un peu comme notre ami Trudeau, il s'imagine que tout le monde, c'est des bisounours, des cadinours, puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est juste à être gentil avec les gens qui arrivent au Canada, puis ils vont tout être gentils, puis ce ne sera pas des Ben, c'est terroristes. ça. C'est pour ça que je dis, il fait l'idiot, mais c'est pas un idiot. Ce qu'il veut, c'est pas voir le monde en rose. Il veut que ses électeurs voient ça en rose pour qu'on vote pour lui. Mais moi, je crois sincèrement qu'il voit le monde en rose, Trudeau. Tu le vois dans son Oh, visage, il est enthousiaste, le sourire aux lèvres, puis c'est drôle, moi je vois d'autres choses. Je vois un gars avec un ego super fort qui Oui, est ça, je le grisé un perçois peu par aussi. sa position, puis je vois quelqu'un d'alpha, même de dominateur. Puis ça, on dit même les gens qui sont dans la synergologie, ces choses-là, ils n'ont pas l'air de le voir, ça, chez Trudeau. Trudeau, il a un talent extraordinaire, il passe pour un tatan. J'ai rarement vu ça, mais je suis sûr qu'il n'est pas si naïf que ça. Oui, mais moi, dans la vibration qu'il dégage, je trouve qu'il y a une certaine forme de naïveté spirituelle. Oh, bon, ça pourrait être fin. Ça pourrait être fin. Parce que l'affaire d'aller s'attriquer là, avec des habits traditionnels en Inde, quelqu'un qui a une sensibilité spirituelle fait pas ça parce que il va le voir que ça peut être interprété comme un manque de respect puis comme de la condescendance. Parce qu'il sait ça. Fait que Trudeau, moi je vois un acteur qui surjoue puis OK. qui a une extraordinaire confiance en lui-même. Puis ça lui fait faire des erreurs. Puis là, des fois, il surjoue, il en met trop. Ouais, dans le sens qu'il en met plus que le client en demande. Donc, ça veut dire qu'au départ, c'est pas réel, parce que quelqu'un qui est réel, là, qui a vraiment une naïveté spirituelle, puis il va en mettre trop, mais pas d'une façon comme ça. Ça va être, il va en mettre trop parce qu'il s'en fait mettre trop là par l'autre bord. Mais lui, Trudeau, c'est lui qui met, qui beurre. C'est des subterfuges comme. Moi, je vois. C'est un peu comme l'affaire de lunettes roses. Ça, c'est le prédateur, il va vouloir endormir la proie. Puis là, c'est de la fasciner la proie. Fait que là, le beau Canada, puis tu sais, là, d'un océan à l'autre, que le plus beau pays au monde, puis tout, puis on est accueillant, puis on est fin, puis on a la législation la plus humaine, puis ci, puis ça. Ben ça, c'est. Moi, je vois ça, c'est vraiment, là, c'est une mise en condition, ça. Puis là, le beau Canada, là, qu'on a dans le cœur, là, c'est pas réel, ça. C'est ça qui fait qu'il est au pouvoir. Le monde, il vote pas pour des affaires réelles, sinon, en tout cas, ça serait différent. Oui, sinon, qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? Bon, pas grand-chose. Il est bien drôle. Ben, Trump, je le vois aussi comme un autre. Lui, mais lui, c'est encore plus. C'est parce que c'est difficile de pas sortir du réflectif en pensant à des choses comme ça, parce que c'est des affaires d'intrigue, de couloir, de. Mais il reste que Trump. Au début, j'avais un certain enthousiasme, là, j'avoue, là. Puis finalement, je sais pas trop quoi penser de Trump, mais j'arrive pas. C'est comme quand il y a eu la supposée, il faisait le coq devant Kim Jong-un. J'ai su tout de suite, c'était du bluff, ça m'inquiétait pas. Puis je me disais, c'est surtout la perception que les gens ont de lui, moi, qui m'intrigue. Parce que l'image que j'ai de lui, c'est un peu comme les autres, là. Mais lui, je ne sais pas par quoi qu'il tienne. Bien, par rapport à C'est ce clair que. dirigeant-là des États-Unis, moi, je pense qu'il va avoir l'attention dans les médias. Après tout, il a été l'animateur vedette de l'émission des Apprentices là, pendant plusieurs Oh, c'est années. pour ça que je parlais. Je veux dire, lui, c'en est un autre qui n'a pas vraiment d'intérêt à exercer le pouvoir. Puis, ce que je me demande, c'est les gens qui l'ont un peu. En tout cas, c'est clair qu'il y a des patrons, là, si on peut dire. Là, si on prend le patronage puis le clientélisme pour ce que ça a déjà été, là, le sens du mot patron, c'est clair qu'il y a des patrons, lui. Mais je ne sais pas par quoi ils tiennent. Puis d'après moi, c'est par des affaires qu'ils tiennent nos coups et ils veulent se débarrasser de lui. Puis ça se peut que probablement qu'il va se faire destituer dans le genre Clinton, lui. On Ça verra me bien, parce que ça fait surprendrait pas. plusieurs semaines là, que des menaces qui soient destituées, puis souvent, ça n'aboutit pas, là. Ouais, ben d'un autre côté, c'est pareil pour. Il nous promettait là qu'il allait enquêter sur les Clinton, puis bon, il n'y a jamais rien eu. Puis des fois, comme j'ai l'impression que même si les démocrates, lui, il est plus président, puis là, les démocrates embarquent, j'ai l'impression qu'ils vont pas trop. C'est tous des amis quelque part. Dans le fond, Trump, il polarise tellement le débat, puis au fond, non, d'une certaine façon, c'est peut-être. Pas non, je pense pas réellement rien de Trump, mais même Trump, quelque part, moi, à mes yeux, ça me rassure presque qu'il y ait quelque chose comme Trump. Ça a l'air, j'entends souvent le contraire, là. Les gens disent, ben là, si on est rendu avec Trump, puis, ben là, non, au contraire, il a pas l'air, il essayait de nous le montrer qu'il était paniqué, puis que c'était trop gros pour lui, puis que, mais non, il a l'air, je sais pas, mais ça a l'air de bien aller. Bon, en tout cas, il change souvent son discours. Tu sais, il va passer d'une opinion à l'autre. Il est comme instable sur le plan psychique. Ben, j'ai l'impression de toute façon que ça n'a rien à voir avec ses opinions. Il poursuit un agenda qui était là avant qu'il soit président. Parce que de Clinton à George Bush, à Obama, puis à Trump, il n'y a pas eu de changement des grandes lignes de la politique étrangère des États-Unis. Ah, On ben, quoi dirait que que ça n'a là, rien avec à voir. Trump, quand même, il veut mettre en place un protectionnisme, là, favoriser les États-Unis au détriment des autres pays dans les Ben échanges oui. commerciaux, là. Donc, c'est un Ah, mouvement. c'était pareil, c'était pas mal pareil avec les autres, là, le protectionnisme américain. Ça a tout le temps été ça. Ouais, mais là, on parle quand même d'une guerre économique, là, par rapport à la Chine puis d'autres pays qui semblent être à s'enclencher, là, Ben, présentement, là. c'est qui détient la majeure partie de la dette des Américains? C'est la Chine. Ouais. Ben là. Faut pas être surpris de ça, là. Mais en tout cas, Ben là, quelque part, ouais. moi, je vois ça comme un show là, pour faire transiger. Mais en tout cas, c'est ça, je trouve ça n'a pas changé vraiment. Puis de toute façon, bon, la Chine, c'est sûr qu'on essaye de nous faire peur avec eux autres, mais quelque part, c'est un peu comme la Russie. La Russie, ben, la Russie, elle a les mêmes dettes au FMI. C'est de quoi qu'on avait déjà jasé. Puis j'ai l'impression que on nous antagonise. Le monde pour, dans le fond, là, pour polariser les motivités puis les opinions. Mais qu'au fond, c'est le vrai jeu, là, ce qui mène, c'est pas ça, là. Il y a d'autres choses. Puis c'est pas ça qui. C'est comme là, les Trudeau, là, qui montait le ton, puis là, Trump est en colère contre Trudeau, puis c'est tout. C'est comme la lutte, ça, de sous-sol d'église. Ouais, c'est stagé, c'est organisé par des forces au Ben niveau oui. occulte. Puis en réalité, la destination est en relation avec des êtres sur les plans astraux qui vont influencer malgré eux des êtres humains qui n'ont pas la compréhension que la pensée vient d'ailleurs pour les guider par rapport à certaines actions, par rapport au collectif. Ben, c'est surtout que je parle, quand je dis c'est stagé, je pense que c'est stagé par des humains, mais là, l'occulte, il y en a tout le temps dans l'être humain. Mais que, tu sais, ça commence pas, l'invisible commence pas juste en arrière de Trump, il y a d'autres mondes. Mais en tout cas, de toute façon, c'est les collectifs, ça fonctionne un peu comme les individus, c'est-à-dire, il y a des chocs collectifs. Là, dans la masse, il y en a qui sont capables d'intégrer l'énergie de l'expérimental de soi qui passe dans leur ego, puis il y en a qui sont moins capables. Fait que t'en as qui bloquent, puis ça leur nuit, si on peut dire, ça les ralentit. T'en as d'autres, oh non, au contraire, ils vont. C'est pour ça que les booms économiques ou les mouvements culturels intéressants, ces choses-là, ça arrive souvent après des grandes périodes de bouleversement, comme un peu les années 20-30 après la Première Guerre mondiale. Puis là, après ça, les années 50, qui a été comme une espèce de rêve naïf, là. Qui après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les gens, après avoir vécu des chocs comme ça, même collectivement, là, ils vont reconnecter avec des choses plus proches d'eux-mêmes. C'est pour ça que peut-être dans les années 20, là, les gens avaient envie de s'amuser. Mais là, en même temps, tu as du monde qui ne sont pas capables d'intégrer l'énergie de tout ça. Fait qu'en même temps, dans les années 20, là, tu as vu apparaître là, des ligues de tempérance avec des phases de carême là, qui disaient là, c'est pas correct de s'amuser. Puis pourtant, quand je regarde ça, même moi, je me dis, On n'est pas sur Terre pour avoir du fun, tu sais, c'est l'évidence même. Mais d'un autre côté, de vouloir empêcher les autres de s'amuser, ça, c'est parce que l'être humain, c'est un peu comme... ça m'est venu aujourd'hui comme une image. Il y a une période d'expansion puis de rétention. L'être humain, il se dilate puis il se contracte. Puis il y a comme des phases comme ça. Puis il réagit comme ça à son expérience. C'est un peu comme une plante que la fleur, elle s'ouvre... juste le soir parce qu'elle n'est pas capable de prendre trop de soleil, cette variété-là, puis elle se referme dans le jour ou le contraire. Puis on voit qu'avec les masses, avec les collectifs, c'est comme ça aussi. Fait qu'il y a oui, des mais gros c'est par chocs. Rapport à la capacité d'absorption des gens. On en revient à ce principe-là. Ben c'est ça. Ben, c'est un peu comme si on regarde là comment ça s'enregistre dans l'âme, de la mémoire expérimentale puis de la mémoire affective. C'est vraiment l'ego qui est comme une porte. Puis il y a l'espace expérimental devant, puis ça passe à travers la porte, puis après c'est archivé, là, si on peut dire, dans l'arbre. Mais c'est juste que une fois que quelque chose est enregistré, ben c'est enregistré. Puis c'est bien difficile de faire le tri de qu'est-ce qui est nuisible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, au niveau des masses, c'est encore pire. Puis au fond, Trump, à mes yeux, il sert à quelque chose. C'est clair qu'il y a une fonction. Il va pas juste faire des niaiseries, là. Il va aussi forcer probablement les institutions américaines à s'observer. Parce que là, ils sont pris avec un président qui ont l'air de vouloir essayer de contrôler, qui ont l'air d'essayer. Mais les institutions américaines, au fond, se montrent incompétentes. Ils n'arrivent pas à trouver rien. Ils n'arrivent pas à... Puis là, il y a du monde, au fond, ça va peut-être forcer les institutions américaines à entrer dans une phase de réforme. Parce que s'il y a ce président-là atypique, tout simplement, puis ça va faire évoluer peut-être les institutions américaines. Puis aussi, le peuple américain, à travers ça, ben, s'il arrive un autre Trump, ils vont le voir peut-être d'un autre œil, ça sera pas tout à fait pareil. Oui, bien, c'est sûr qu'il a été vu au départ comme étant un clown, un personnage médiatique coloré, avec des opinions explosives parfois. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Ça, on peut quand même lui donner. Là, il diverge du politiquement correct de ses prédécesseurs, dont Barack Obama. Bon, en tout cas, il va marquer l'arme américaine. Puis ça veut dire que les réactions de masse, puis il va avoir apporté des changements au niveau là, des conditionnements des masses aux États-Unis. Puis c'est clair que son style là, flamboyant, puis il mise beaucoup sur le fait que les masses aux États-Unis sont pas très instruites, puis c'est pareil partout dans le monde, même aux États-Unis, c'est assez instruit là, comparativement ailleurs. Mais c'est un peu quand les gens savent pas là, ce que c'est qu'un faux raisonnement. Parce que le monde du réflectif, le monde de l'argument, c'est quelque chose de très mécanique, ça. Puis quelqu'un qui a pas une formation pour savoir c'est quoi un sophisme, puis c'est quoi un argument fallacieux par rapport à un raisonnement sophistique, puis toutes ces choses-là, les gens sont pas formés à analyser comme ça ce que dit quelqu'un. Non, c'est ça, ils mais... Ils voient pas la malhonnêteté. Ouais. Non, c'est sûr, mais de toute façon, les gens sont même pas formés à percevoir une vibration. Mais en fait, ils peuvent pas être formés non. pour ça parce qu'ils doivent vivre la descente de l'esprit. Mais tant que la personne... n'a pas une conscience vibratoire, elle ne peut pas percevoir au-delà de la forme, donc elle peut être piégée, même si elle a un cours en philosophie qui lui permet de faire ce type de distinction auquel tu faisais allusion. Ah ben oui, puis souvent je me rends compte, je me remets je vais me remettre à l'intellect quand le vibratoire fait défaut, quand j'arrive pas à voir rien ou à avoir des formations, à ressentir vraiment que... Ça crée du doute parce que j'arrive pas à vraiment ressentir comme il faut, mais là je m'en remets à l'intellect. Mais les deux sont imparfaits là, chez moi, là, en tout cas, là, que je sois juste dans l'intellect ou que j'essaie juste par le vibratoire, la plupart du temps, je vais finir par me tromper. Là. Mais au fond, là, c'est peut-être correct aussi, parce que sinon, ben, si je me pensais infaillible, ben là, je ferais. Peut-être que je ferais moins d'erreurs, mais peut-être que tout le parcours en serait une erreur. Puis, moi, je trouve pas ça. On a parlé, là. Il y en a, ils vont parler, le doute, là, au sens, le doute cartésien, puis tout. Ben, ça, c'est de l'intellect, puis c'est pas bon. Mais il reste que même quand on trouve quelque chose intuitivement ou par le vibratoire, après ça, au niveau des masses qui fonctionnent psychologiquement ou des autres, on n'a pas le choix d'embarquer dans l'intellect pour démontrer Oui, qu'il y a parce qu'ils quelque peuvent chose pas de réel. intégrer un contenu qui est canalisé s'ils sont pas capables de le Ben non. percevoir vibratoirement. S'ils n'ont pas de conscience vibratoire, ils ne le capent pas. Donc à ce moment-là, tout le vibratoire, ça reste pour soi, puis c'est pas partageable ou transférable avec les gens de l'environnement qui n'ont pas l'interface psychique pour en faire la réception. Fait que là, on est obligé de le réfléchir pour démontrer si on veut que ça soit vu. C'est sûr que ça fait perdre du temps, mais de toute façon, le vibratoire est beaucoup plus. Va toujours être plus fort que l'intellect. C'est comme ces temps-ci, ils passent une publicité au Québec parce qu'ils ont légalisé le cannabis, où ils montrent un parent qui répond à son enfant, ben le cannabis, c'est pas parce que c'est une plante que c'est bon pour toi. L'herbe à puce aussi, c'est une plante, puis bon. Puis je regardais ça, puis je me disais, ils sont en train de montrer aux parents à pas respecter leurs enfants parce que c'est pas des arguments intelligents, ça. Mais l'enfant, il n'a pas besoin de savoir c'est quoi un argument sophistique pour se rendre compte que son père est en train d'essayer de le bullshitter. Puis quand l'enfant n'est pas respecté, puis il ne se sent pas respecté, il s'en va direct dans la direction opposée que ce que le parent. Donc, avec leurs histoires, là, de vouloir éduquer les parents à parler à leurs enfants, puis à penser qu'un parent, c'est comme un politicien qui parle à ses électeurs, ben ils vont faire que des parents qui vont faire en sorte qu'ils vont faire la promotion du cannabis sans s'en rendre compte à leurs enfants, puis leurs enfants vont se garrocher là-dedans. Oui, c'est sûr que ça peut avoir un effet paradoxal, mais en même temps, la publicité, il faut que ça soit simple, parce que ça s'adresse des fois à des gens qui écoutent la télévision ou la radio d'une manière distraite. Puis c'est sûr qu'il faut que ça soit le plus simple possible parce que tu as différents niveaux d'éducation. T'en Ça as n'a qui pas sont. besoin d'être compliqué. Il y a moyen de répondre de quoi à son enfant qui n'est pas compliqué puis qui est intelligent. Parce que là, l'exemple qu'il donne, c'est tellement stupide. C'est-tu, je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, avoir été un enfant puis me faire répondre à une affaire de même par mon père, et premièrement, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'il aurait su, il se serait dit, ben là, je vais me faire coller ça. Là, il va me répondre puis ça n'arrêtera plus. Parce que Mais toi, c'est quand parce que t'as un j'étais esprit de jeune, même si on. contestation, mais c'est pas tous les jeunes qui ont l'esprit de contestation. Ben, si on me répond quelque chose qui n'est pas intelligent, puis que je peux démontrer par l'argument que c'est pas intelligent, puis qu'après ça, je me rends compte que mon interlocuteur le savait que c'était pas intelligent, puis c'est une façon de vouloir me rentrer de quoi dans la tête par des faux arguments pour des raisons pratiques qu'on veut même pas me révéler, ça, c'est de la manipulation. Puis ça commence dans l'enfance à le voir, ça. Après ça, à l'âge adulte, ça se peut que le monde se rende compte qu'ils ont de la manipulation, mais à des niveaux encore plus. Parce que. Subtil, ouais. Mais il reste que ça peut avoir un effet paradoxal, mais il reste que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je m'autant là, que les jeunes ils fassent leurs expériences que d'écouter d'un enfant là, qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui croit tout ce qu'on lui dit, ça va tout le temps bien à l'école, il n'y a jamais de problème. Moi, je trouve ça très inquiétant. Ça, d'habitude, c'est vraiment là, c'est ce qu'il y a de pire comme personne. Ça fait des gens, là, ils n'ont aucune créativité, ils n'ont aucune spontanéité, il n'y a rien d'autre que de la mémoire, puis des programmes, puis de la crainte. Puis c'est Oui, pour parce ça qu'ils n'ont qu'ils pas été sont. amenés à contester le programme, le système, le conditionnement social, les croyances. Mais là, ça nous ramène Oui. au principe que la souffrance sera quelque part nécessaire pour amener la personne de sortir de sa zone de confort puis être créative. Oui, ben, la souffrance, c'est de l'information. Donc, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'information. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un là, qui se met le pied où il faut pas, puis qui marche sur un clou, il y a une douleur pour lui dire de s'enlever le pied de là. Ben, la souffrance, peu importe la souffrance, c'est tout le temps de l'information. Si la personne n'est pas capable d'intégrer l'information, elle continue de souffrir. C'est Ouais. tout. C'est des choses assez simples au fond, mais c'est tellement simple qu'on ne le voit pas. C'est un peu comme une femme battue. Elle souffre de sa condition, mais elle reste là. Elle va pas rien faire avec l'information. Elle s'en va pas. Elle reste là. Elle dit, ben là, si je pars, je mets ma vie en jeu. Ben oui, mais t'as pas de vie. T'es tout aussi bien de mourir. Moi, en tout cas, tant qu'à ça, moi, je tenterai ma chance. Puis pour, mais la personne, c'est de la crainte qui la maintient là. Puis c'est lui, justement, des chocs. Puis l'énergie de ça n'est pas intégrée. Puis l'énergie qu'il y a dans l'information, parce qu'au niveau d'un intellect normal, c'est de l'information, ça. Oui, bien, c'est sûr que derrière ça, il y a le dilemme. C'est-à-dire que si la femme est battue puis elle reste pareil avec le conjoint violent, des fois, c'est plus confortable pour quelqu'un rester dans le connu qu'avoir l'audace de faire quelque chose de nouveau pour sortir du milieu. C'est pour ça que je dis c'est la crainte. C'est juste de la crainte. Puis quelque part, ben on dirait que les femmes sont pas incarnées de la même façon, sont plus dans l'âme un peu. Puis ça fait que c'est plus facile de les dominer. Ben ça dépend. Je veux dire, les hommes aussi vont vibrer à de l'âme, là, parce que là, il y a des femmes qui vont sans doute nous écouter. Pour pas que... On parlait de Justin qui pleure, là. Il aurait fait ça dans les années 50, il aurait fait rire de lui. Oui, il sans doute, dans le passé, ça aurait été... d'ailleurs, historiquement parlant, un homme qui pleure, c'est mal vu. Au même titre qu'autrefois, une femme qui rentre en colère, c'était mal vu. Ben là, c'était vu comme une crise d'hystérie, puis elle mangeait une claque dans la face. Souvent, c'est ça qui arrivait. Une femme en colère, là, puis surtout, ça a la raison. Ben là, ça devient extrêmement pratique de dire être hystérique et bang. Parce que souvent, c'est souvent une femme qui est en colère, souvent, là, si elle a raison qu'elle se met en danger. Mais c'est parce que la colère n'est pas supposée servir à faire un spectacle puis à faire une crise. La colère est supposée à servir à faire en sorte de changer la condition. C'est-à-dire que il y a des femmes qui font une crise à toutes les semaines à leur mari au lieu de sacrer le camp. Je veux dire, la colère, elle devrait servir à faire tes valises puis t'en aller parce que là, ça n'a plus rapport. Mais il reste que il va avoir un besoin des fois de comme la femme, ça se fait dominer, par exemple, par de l'argent ou par rapport à l'argent ou des décisions, des choses comme ça. Elle va essayer de faire sa place pareil, d'essayer de prendre sa place. Puis si c'est par des moyens comme ça, que c'est en ayant une sorte de domination psychologique, ben souvent, l'homme, il va dominer par rapport à des choses concrètes, l'argent, des choses comme ça. Mais la femme, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Puis c'est plus... moi, j'ai plus de misère avec ça. Quand mon père, là, il voulait me dominer, là, je le voyais tout de suite. Ma mère, c'est pas mal plus subtil. Ça prenait des mois. Enfin, je me rends compte des fois. Puis là, on est tous de même. Là, c'est pas pour blâmer du monde en particulier. Là, on a toutes des tendances à ça. Mais... C'est là que c'est paradoxal parce que au fond, on est toujours notre propre victime. Oui, ça, tant qu'on n'est pas conscient de nous-mêmes, puis quand on fait le déni d'aspect de nous-mêmes, tu sais. Ben, ça peut être encore pire si on se pense conscient de nous-mêmes parce que là, on va se sentir responsable. Oui, mais c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se croire conscient, mais on peut se savoir conscient. Conscient d'être en contact avec l'esprit, par contre, mais sans pour autant se sentir responsable de toutes les choses qui arrivent, là, c'est sûr. Ben, c'est un peu comme l'accident que tu as vécu. C'est pas lui, tu sais, ça. Tu pourrais te porter à dire, ben là, j'écoutais de la musique qui fait vibrer l'âme, puis j'étais en réflexion, puis j'étais comme dans un état que j'étais pas présent, puis là, ça, mon ego est responsable d'avoir empêché l'esprit de. Mais. Au fond, ça marche pas de même, parce que si l'ego était tout le temps conscient, il n'en arriverait pas d'affaire de même. Fait que, puis l'ego, il est jamais responsable de s'endormir. Sinon, il s'endormirait pas. Ben, c'est-à-dire qu'il peut être responsable de suivre la vibration de l'esprit, puis de couper le contact avec l'astral qui lui parle dans la tête. Mais même là, c'est plus difficile que ça, puis c'est plus subtil que ça. L'esprit, moi, je le vois comme... L'ego, lui, il est passif. Puis il peut rien faire, presque. Je veux le voir. Mais quelque part, quand je m'endors, je le sais que je pouvais pas faire autrement. Je le sais juste par après. Mm-hmm. Mais si je l'avais vu au moment où ça arrivait, je me serais pas endormi. Non, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Bon, on n'est jamais vraiment responsable à ce niveau-là. Là. Mais en même temps, l'ego qui se conscientise, puis devient plus transparent, plus lucide de sa condition... Sa capacité de vision plus grande lui permet davantage d'agir dans la matière? Ben, j'ai remarqué que le fait d'être conscient de mon astral, ça faisait pas que je voulais m'en passer nécessairement tout le temps. C'est un peu comme si il y a quelque chose là-dedans. c'est plus fort que moi. Il y a des vibrations, des huîtres qui me nuisent, puis c'est plus fort que moi et ça revient de temps en temps. C'est comme la mémoire là, qui se réactualise. Puis ça a été moins pire quand je me suis rendu compte que c'était pas lié à la façon que je voyais ça, ni à l'ego, là. C'est tout simplement que c'est comme ça. C'est un peu comme à un moment donné, ben on se réendort, puis ça fait partie du processus de se réveiller à un moment donné. Puis c'est pas si grave que ça. On se concentre beaucoup sur le cheminement, alors que c'est le but à atteindre qui est vraiment. C'est pas si important que ça, là, les petits chocs de parcours. Mais il reste même, des fois, être réveillé trop, ben ça coupe de certaines affaires. Puis il y a moyen d'être bien lucide, puis d'être complètement coupé de plein de choses. Puis de temps en temps, de se réveiller, puis de se rendormir, puis d'avoir des chocs, on dirait que ça réajuste. Parce Mais que peux-tu me des donner un gens, là. exemple pour ce que t'es éveillé beaucoup puis tu perds conscience de certaines choses? Ben oui, ça m'est arrivé de voir tellement clairement certaines choses, puis de voir tellement que cette chose-là, que je perdais de vue d'autres choses. Puis pourtant, c'était pas parce que j'étais endormi, mais c'est comme le fait de voir certaines choses, ça me faisait perdre l'idée que d'autres autour le voient pas. Puis là, j'entrais, plus je le voyais, plus ça se manifestait au niveau de la colère, parce que. Mais là, j'étais en train de me détacher du fait que les autres, il y en a qui ne voient pas certaines affaires, puis c'est correct. Mais il reste que je le voyais tellement lucidement que c'est nuisible, puis là, à un moment donné, c'était de ne pas tomber à vouloir trop aller vite là, pour les autres. Je Oui, dans le pourrais. sens que s'ils ne perçoivent pas, par exemple, au niveau occulte, la vibration de l'esprit ou la vibration astrale, là, tu vois que les gens manquent de sensibilité et ne se rendent pas compte qu'ils dominent malgré eux parce qu'ils sont chevauchés par l'astral. Mais comme ils ne le perçoivent pas, puis toi, tu le perçois clairement, ben ça devient frustrant comme situation. Ben oui. Puis pourtant, je serais moins confrontant, puis ce serait moins déplaisant si tout simplement je l'avais pas vu. Mais c'est ça, je me réveille, c'est comme si c'était compartimenté. Il y a une partie qui se réveille, puis je perds de vue d'autres choses. Puis Ouais. j'ai de la difficulté à avoir une vision panoramique encore, là, de pouvoir voir les mêmes choses à différents niveaux en même temps. D'être capable de voir quelque chose sans être en colère que d'autres ne le voient pas, ou bien quand je vois pas quelque chose, puis ça vient, c'est comme plus si j'ai une vibration de l'esprit qui est très très forte, je deviens plus dur avec les gens. Puis c'est en me réastralisant que je le vois. Ouais, c'est particulier, là. Ben oui, parce que des fois, je vais avoir agi d'une façon bien drastique, là, puis pendant une semaine, un bout de temps, puis parce qu'il fallait que je le fasse, là, puis c'était nécessaire. Puis par après, quand ces affaires-là que j'avais à gérer sont passées, puis que là, je me réastralise, parce que là, je retombe, j'ai moins d'énergie, puis le système nerveux est moins survolté, je suis moins aux aguets, puis là, je me réastralise, puis là, je vois comment que j'ai blessé du monde. Ça fait qu'ils sont allés dans la direction où il fallait qu'ils aillent, mais il y a des séquelles, là. Puis là, je vois que j'ai été trop dur. Puis, mais je le vois parce que je me réastralise, puis je retombe dans la même émotivité sociale. Ce qui te permet d'être davantage empathique ou sympathique à leurs conditions vibratoires, dans le sens que c'est sûr que c'est spécial, hein, parce qu'on peut passer d'une vibration de l'esprit à une vibration astrale, de l'esprit de l'astral. Il y a comme un yo-yo qui peut s'opérer lorsqu'on vit la transition psychique. Oui, puis ça change complètement, vraiment, surtout là, la façon d'agir, puis la perception. C'est sûr que si la vibration de l'esprit est très forte, là, je deviens très efficace, puis je vois clairement, puis je vois venir des choses d'avance, puis je viens à bout de gérer des choses même avant que ça arrive. Mais je deviens tellement de. J'ai tellement l'air de mauvaise humeur, puis j'ai tellement l'air bête que mon entourage en souffre parce que je suis tellement sérieux. Puis je suis tout le temps à l'intérieur en train d'observer ce qui se passe, puis d'essayer de réaligner tout pour que ça fonctionne. Puis finalement, je vis une sorte de tension qui est liée à de l'information. Mm-hmm. Puis là, je deviens... Ça me tente pas de faire des jokes, ça me tente pas de rire, ça me tente... Je suis dans mon affaire, puis faut que ça se fasse, puis que je sois efficace. Mais par après, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis que là, la tension s'arrête, puis là, je recommence à vouloir être comique, je recommence à socialiser, puis être plus de bonne humeur. Mais je le vois, là, l'entourage, que... Ils ont beaucoup de difficultés parce que je deviens bien bête. Ben, eux autres interprètent ça comme étant bête, alors que d'un autre point de vue, on peut interpréter ça comme étant quelqu'un qui a du focus, de la centricité, de la concentration, oui, pour faire une tâche. Tandis que les gens, ils cherchent souvent le relationnel au niveau de l'âme, être supporté, tu fais une blague, ah ah ah, c'est drôle. Puis il y a une dynamique de l'âme qui cherche l'approbation d'autrui, que les gens nous sourient, qu'on nous dise qu'on est beau, qu'on est fin. Il y a une forme de complaisance dans l'âme qui est souvent recherchée. Ben oui, tandis que au niveau de l'esprit, tout devient bien, bien clair. Puis le seul fait des fois de dire quelque chose, puis là, c'est interprété au niveau de l'âme par quelqu'un, alors que c'est pas ça qui avait été dit, là, je vais être plus impatient. Puis là, le ton devient plus coupant. Puis tout simplement parce que ça devient là que j'ai pas le choix, là. C'est comme c'est une question d'efficacité, puis quelque part il y a des mécanismes de survie là-dedans. Puis là, il reste qu'il y a une part de psychologique qui reste. Puis là, ça finit que je peux devenir comme pas nécessairement autoritaire, mais quasiment. Parce que je vais pas être autoritaire sur les affaires des autres, ce qu'ils font, puis ça, soit non. Mais quand je suis en train de voir à mes affaires, puis là, il y a du monde qui s'ingère, puis là, on veut me conseiller, là, je deviens... En voulant dire ça, c'est mes affaires, puis ça vous regardait pas, puis je vous ai pas sollicité. Puis oui, bien, c'est sûr que ça. C'est bien d'être autoritaire quand les gens vont sur ton terrain sans ton consentement pour pas les laisser polluer ton espace psychique ou te dominer. Ben oui, parce que là, sinon, il passe plein de pollution. Là, la personne, si elle a des craintes, elle va me transmettre ses craintes. Si elle a un enthousiasme qui est irréaliste puis naïf, ça va me le transmettre. Puis là, je perds le contact avec l'esprit. Puis je le vois plus ce que je voyais. Puis là, ça devient moins clair. Puis là, j'ai du doute. Puis c'est comme, des fois, admettons que j'ai quelque chose à faire. Puis là, je me dis... Est-ce que je le fais, là, est-ce que j'ose? C'est arrivé des fois de prendre, j'avais des décisions à prendre, puis c'était assez lourd de conséquences. Puis là, tout d'un coup, je vois que j'ai de la crainte. Puis là, si j'y réfléchis, là, je vois que j'ai de la crainte. Fait que là, à ce moment-là, souvent, j'arrête de réfléchir, puis je le fais. Parce qu'il y avait de la crainte. Parce que je le vois de plus en plus, ça, que ce qui, c'est comme j'en avais déjà parlé, là. À chaque fois que j'ai quelque chose qu'il faudrait que ça va essayer de vouloir, en tout cas, ça va vouloir générer de la crainte. Puis là, c'est rendu que c'est devenu maintenant, c'est comme me motiver, m'envoyer de la crainte. Quand je vois de la crainte, là, c'est rendu que je fonce sans réfléchir. Puis, pourtant, ça a l'air pas intelligent, mais pourtant, les résultats sont pas pires. Oui, bien, c'est sûr que, dans le fond, l'astralité qui peut être en contact avec ta psyché peut chercher à activer la crainte pour t'empêcher d'aller plus loin dans ton évolution puis monter davantage en vibration en faisant des actions qui vont à l'encontre de leur influence. Ben, je le vois pas tout le temps même parce que des fois, ça en prend de l'opposition, puis même interne. Puis à un moment donné, je m'étais rendu compte, ça arrivait que je me remettais à vibrer un peu de la dépression. Puis là, je me posais tout de suite la question de comment ça. Mais juste le fait de le voir puis d'être surpris de ça, ça a arrêté immédiatement. Okay. Puis à un moment donné, j'étais tout seul. Puis là, j'écrivais. Puis moi, c'est plus en écrivant que le contact se fait. Puis à un moment donné, ça me disait, puis c'était très, très clair, puis très autoritaire, la souffrance de l'homme est probatoire. Puis je trouvais ça bizarre. Mais là, c'est que je savais pas, moi, dans quel sens ça avait, ça. Mais si je suis allé voir sur Google la définition de probatoire. Quelque chose de probatoire, c'est quelque chose qui permet de voir le niveau d'un candidat. Ben oui, comme quelqu'un qui fait son permis probatoire pour l'automobile, la conduite auto. C'est ça. Puis je connaissais pas. Moi, pour moi, quelque chose de probatoire, c'était lié à des probations là, dans le milieu carcéral. Donc, je suis allé voir la définition, parce que ça n'avait pas de sens pour moi, la phrase. Mais quand j'ai vu ça, quelque chose qui permet de vérifier le niveau d'un candidat à quelque chose, là, tout d'un coup, ça devenait clair. Mais c'est là, c'est dans des moments comme ça que vraiment, là, que je me sens que j'ai pas à avoir de crainte. Parce que ça, je le sais que ça vient pas de moi, parce que je le savais même pas que ça pouvait vouloir dire ça. Puis c'est des choses comme ça, finalement, qui font qu'à un moment donné, ben, j'ai confiance en mon esprit. Oui, ben c'est sûr que l'être humain est en période de probation, c'est-à-dire qu'il a à faire ses preuves pour éventuellement devenir un être cosmique qui va être considéré comme étant légal des êtres qui résident sur le plan éthérique. Moi, parce que là, c'est pour ça que maintenant, quand que là, ça essaie de me faire de la crainte, c'est normal, mon expérimental est probatoire. Puis là, le seul fait de l'avoir puis de passer par-dessus, ben là, j'ai montré le niveau de ma candidature. Puis c'est souvent comme ça, mais c'est petit peu par petit peu. Donc, je finis par me dire, ben, l'astral, il est pas juste là pour nous ralentir, c'est que il n'y aurait peut-être même pas de mouvement à ralentir s'il n'y avait pas cette mémoire-là qui s'est enregistrée dans ce que le monde appelle le ciel, là. Puis, mais il reste que ça a une fonction, c'est pas pour rien que c'est encore là, puis ça va s'autodétruire à mesure que ça ne sert plus. Donc, je le vois pas comme, je le vois plus comme des attaques au sens là, qu'on l'entend d'habitude. Si j'ai de la crainte, je le vois comme une information, comme quoi que ben, ça a de l'importance. Ce que je m'apprête à faire, il y a de l'énergie en jeu. Tout simplement. Puis ça se manifeste dans mon ego par de la crainte. C'est comme ce qui se passe en dehors de l'ego ou avant l'incarnation. Je le sais pas. Mais ça va tout le temps se traduire par de l'impression dans l'ego. C'est comme quand je t'avais dit j'ai de plus en plus l'impression d'avoir choisi mes parents. Mais ça, je le sais que j'ai pas choisi mes parents. C'est pour ça que je dis j'ai de l'impression. C'est une impression. Mais là, après, quand je leur demande, je dis, c'est quoi ça? Ce qui se traduit comme de l'impression dans mon ego, dans les faits, c'est quoi ça? Plus ça dit, ben, l'énergie va selon son appointement. Fait que donc, c'est pas un choix psychologique, là, au niveau psychologique. Ça n'a rien à voir avec la notion qu'on a de choix. Mais comme on est psychologique, ces réalités-là se traduisent dans l'ego par de l'impression, avec des formes psychologiques. C'est sûr que c'est pas réel. Oui, mais en même temps, il peut y avoir une perception vibratoire qui te lie au plan de l'esprit qui ont fait les coordonnées de ton incarnation présente par rapport au fait que tu as les parents que tu as. Ouais, ben c'est un peu comme je pense que c'est Moses qui disait que là, Bernard, il disait qu'il avait fait application 3 fois pour son mandat, pour venir sur Terre. Puis ça, quand j'ai entendu ça, je l'ai interprété comme avec un petit sourire parce que ce qui va prendre ces formes-là au niveau de quelqu'un qui parle, puis c'est la réalité qu'il y a derrière, ça a probablement tellement rien à voir. Donc, même là, parce que là, c'est rendu qu'il y en a qui voient ça comme s'il y avait des salles d'attente dans l'éthérique, là, puis là, il y a des initiés d'assis. Puis là, sont là que les paperasses, puis ils font application. Mais C'est des moi, je le archanges. vois plutôt comme une forme d'expression symbolique avec des formes transitoires qui sont apportées de monsieur et madame tout le monde pour essayer de tenter de décrire une réalité qui est difficilement accessible par rapport à nous. Ben, c'est ça. Parce que, à un moment donné, cet été, ça a donné que j'ai écrit pas mal. Puis, à un moment donné, c'était quoi dans la patente? Là, comme là, je revoyais de quoi que j'ai écrit ça cet été, là, je le vois plus, ben, en tout cas. Mais c'est ça, c'est quoi tu disais avant? Parce que ça avait rapport à ça. OK, c'est par rapport aux formes transitoires. Des fois, on peut utiliser des images ou des comparaisons par rapport à des choses qu'on connaît pour passer une réalité qui serait difficilement acceptable et Ah, c'est difficilement ça. compréhensible. Oui. Bon. L'être humain, il est surveillé de proche, de l'intérieur. Puis c'est à partir de des espaces qui ne se conçoivent pas psychologiquement. Puis c'est là que ça devient bien spécial. Parce que la planète qu'on habite, On n'est pas tout seul dessus. C'est quelque chose qui a été fait un peu comme un jardin, puis une ménagerie. Tu sais, dans le temps, il y avait des ménageries du monde riche qui faisaient venir des animaux de partout, puis ils mettaient ça ensemble, puis ils se faisaient une sorte de petit jardin là, d'Éden. Ben, la Terre a été faite un peu comme ça. Mais il y a des êtres qui ont un intérêt pour la Terre, qui n'ont pas de matérialité. Puis l'être humain, il sert de fenêtre. En tout cas, c'est bien beau, la Terre, il paraît. Il paraît que c'est bien, bien beau. Puis que ça, il y a toutes sortes d'affaires qui observent ça à travers nous autres. Mais qui se trouvent dans des espaces qui ne sont pas concevables psychologiquement. C'est de l'espace dans le sens que ça contient de l'énergie. Bon. Oui, mais c'est pas parce qu'on le perçoit pas. C'est ça, c'est parce que c'est pas parce qu'on le perçoit pas que ça n'existe pas. Un peu comme les ondes cellulaires. Aussi, on les voit pas avec les yeux, mais pourtant tout le monde sait que ça existe. Oui, puis ça, l'affaire qu'on est surveillé de l'intérieur, c'est un peu ça, là, la grande patente. Parce que comme dans le supramental, j'ai fini par jaser avec un que lui, il a connu Bernard, c'était Nadon. Ben, Nadon, il n'y en a pas, là, mais il est allé dans une espèce d'auberge de jeunesse qui était tenue par un monsieur qui avait le livre de Bernard, la Genèse. Puis lui, il avait peut-être 17-18 ans, puis il avait demandé, c'est quoi ça? Puis là, il dit, ah ouais, OK, assieds-toi, on va parler. Puis il n'y avait personne, puis il était tout seul avec le monsieur. Puis on jasait ensemble. Puis le monsieur, il a fait comprendre qu'il était en communication tout le temps avec toutes sortes d'affaires. Puis le gars, il a passé la nuit, il n'a pas été capable de dormir de la nuit. Parce que là, il se rendait compte, là, parce qu'à un moment donné, le monsieur, il disait, bon, telle affaire, te rends-tu compte que telle affaire? Puis il disait, oui, j'avais remarqué ça. Il dit, bon, ben ça, c'est eux autres, ça. Puis là, après ça, le monsieur, tu sais, il l'a porté à entêtiser, si on peut dire. Puis il a passé toute la nuit avec des communications. Puis il n'a pas dormi de la nuit, puis ça l'a complètement bouleversé. Ben c'est ça, la patente, là, En tout cas, puis c'est un peu ça la grosse patente qui fait qu'il y en a qui, dans ce milieu-là, qui ont capoté. Parce que, même moi, la mère à mon père, j'en parle souvent, mais une affaire que je dis pas souvent, c'est qu'elle a fait une psychose. Elle s'est ramassée en psychiatrie parce qu'elle, elle voulait travailler avec des entités. Mais à un moment donné, c'était plus contrôlable. Puis même que ça a traumatisé du monde dans la famille, c'était rendu que ça répondait par des coups d'un mur puis des choses comme ça. Puis elle s'est ramassée, elle n'a pas été capable de... Mais c'est difficile de contenir l'énergie par rapport à... Puis aussi de la compréhension de certaines réalités à l'égard d'êtres invisibles comme des entités, parce que beaucoup de personnes qui n'ont pas la stabilité psychique pour composer adéquatement avec ces réalités, d'ailleurs, ils ont de la difficulté même à composer avec leur réalité sur le plan matériel, c'est-à-dire s'alimenter adéquatement, avoir une gestion financière, une santé physique, et ainsi elle, de suite. Elle, c'était une femme très, très stable, c'est une femme d'affaires en plus, puis qui n'avait jamais rien eu. Mais à un moment donné, c'était trop, puis elle a capoté. Puis là, je parle d'une femme là, qui a eu de l'argent toute sa vie, qui avait un don pour les affaires, qui était très brillante. Puis elle s'est ramassée en psychiatrie. Puis elle n'a pas été là longtemps, puis elle a fini par ressortir. Puis ça n'a pas été long qu'elle reprenne une vie normale. Mais après ça, c'est distancé de tout ça. Mais c'est ça, la grosse affaire, c'est que ça qu'il y a des espaces qui ne se conçoivent pas psychologiquement, puis que c'est habité, puis que nous autres même, par l'âme, on est en contact avec... Puis là, il y a du parasitage, puis il y a un paquet d'affaires. C'est la grosse patente, c'est ça le gros... En tout cas, c'est l'affaire qui fait que tout ça, à un moment donné, on se dit, bon, ben là, les chocs que ça peut créer au monde, est-ce qu'on... Parce que la personne, souvent, c'est comme la mère à mon père, elle s'en est remis, mais il y en a, là, il n'y a rien à faire, ils s'en remettront pas. Puis ça les lâche plus. Parce que là, c'est pas drôle, ça, quand tu te fais envahir par quelque chose, c'est pas tout le monde qui va avoir la capacité de dire toi, cœur-moi pas, puis de le mettre dehors. Non, mais ça prend de la volonté, puis c'est là que la distinction entre la possession puis l'habitation par les forces prend toute son ampleur, dans le sens qu'il y a des gens qui ont des entrées psychiques, puis là, il y a des entités qui entrent là-dedans, puis là, ils se font posséder, puis ils ont de la difficulté à s'en sortir, puis ils sont chevauchés, puis ils ont pas assez de volonté oppositionnelle pour... Le monde possédé, là, il y en a bien plein, puis il y en a bien qui sont bien fonctionnels. Mais il reste que c'est ça, ça dépend là, le type. Puis plus la personne, elle a, comment je pourrais dire ça, plus c'est intense, puis que l'ego a, comment je pourrais dire ça, quelqu'un là qui est possédé par quelque chose, qu'il sait que c'est distinct de lui, puis il peut parler avec, il est bien plus en danger de devenir instable que quelqu'un qui est possédé par des affaires qui se montrent pas, qui connaît pas, qui le sait pas. Puis en plus, ces affaires-là vont être orgueilleuses de la personne qui contrôle, puis ils vont des fois. Ben ça, j'ai vu ça, c'est bien avant le supramental, c'était dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a un maître d'hôtel, il y en a peut-être qui vont le reconnaître. Il y a un maître d'hôtel d'un grand restaurant à Montréal. Puis lui, ce bonhomme-là, là, c'est juste de la mémoire. Il n'y a absolument rien d'autre. Puis c'est même pas une farce, là. Le monsieur, là, physiquement, là, c'est comme Hercule Poirot, il est exactement pareil. Les petites moustaches là en pointe, puis les habits anglais, puis il parle là, c'est quelqu'un de cérémonieux, puis tout est protocole, puis tout est étiquette, juste ce bonhomme-là. Ben ça, c'en est de la possession. Puis pourtant, ce bonhomme-là, c'est un des plus grands maîtres d'hôtel d'Amérique, il respecte tout plein de monde, il est considéré, là, même les Européens, ils en reviennent pas comment qu'il y a de la classe, ce bonhomme-là. Puis pourtant, il y a personne, là. Il y a personne, il y a juste des vieilles mémoires, il y a juste des vibrations bien vieilles qui survivent à travers cet homme-là, qui sert de portail pour ça. Puis, on dirait qu'il sert à ça. C'est comme un centre d'archives, cet homme-là. Puis, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas une vie normale. On parle de quelqu'un qui est tellement là, protocolaire, puis qui est tellement constipé, puis c'est impossible là, qu'il y ait une vie. Non, non, mais il y en a qui sont fossilisés dans de la forme, puis ça leur dit leur structure, puis ça devient difficile à ce moment-là pour que l'énergie de l'esprit et le courant passe pour la dynamiser, ben, puis la donner. On sent carrément des entités. Ben, moi, en tout cas, j'ai eu cette perception-là, puis pourtant, c'est quelqu'un de fonctionnel. Mais il est dans son affaire, dans sa patente. C'est-à-dire que les affaires qu'ils contrôlent, ils se sont accrochés à ce qui reste de ce monde-là. Puis ça peut juste arriver dans un grand centre, une affaire de même. Si ce monsieur-là était venu au monde dans un petit village là-bas, ça ne serait pas arrivé, ça. Parce que ça va s'accrocher sur. C'est lié à la mémoire aussi des lieux, on dirait. Puis c'est souvent du monde qui vient au bain. Si c'est avant, ça s'est accroché autrement, la personne va aller vers un grand centre. Ou elle va aller quelque part où ce qu'elle peut vivre, ça devient proche. Mais il faut dire aussi que dans les grands centres, il peut y avoir plusieurs entités qui sont en relation avec d'autres individus. Il y a des entités aussi présentes dans les lieux en parallèle. Donc, oui. Ça peut créer une lourdeur énergétique qui va donner de la force à certains éléments mémoriels au sein de l'individu. Ben, c'est ça. C'est comme des collèges énergétiques. Fait que là, il y a du monde. Ben, si on le voit, mettons, là, tu te promènes un peu, ça change de vibration d'une place à l'autre. Puis on dirait que c'est lié à de la mémoire. C'est lié à quelque chose qui est là, enregistré dans l'endroit. Puis on dirait que il y a ça moins dans des endroits qui ont été colonisés récemment qu'à d'autres places. Là, quand j'étais allé l'été passé là, à Montréal, puis que je me promène, je les sens, les mémoires. Puis à un moment donné, ben j'ai hâte de m'en revenir. Bien, c'est sûr que la masse psychique est beaucoup plus lourde dans les grands centres qu'à la campagne. Tu sais, il y a plus d'individus physiques, puis il faut compter que pour chaque individu que tu vois sur le plan physique, il y en a souvent plusieurs au niveau. Moi, c'est les individus physiques qui me sortaient de ça. Parce que si je marche, puis là, je regarde des toits, puis c'est tout genre 1900. Là, tout d'un coup, je tombe dans une espèce de transe, puis je deviens 1900, moi, là. Mais là, quand je me rebaisse les yeux, puis je vois le monde avec des anneaux d'en face, puis des cossins de même, là, je reviens à la réalité. Eux autres, ils me foquent la vibration de ma névrose à moi, puis le monde est lire à moi. C'est mon âme, ça, c'est des mémoires qui me... Puis c'est plus fort que moi, mais là, quand je revois ça, là, quand je redescends, puis je vois la rue, là, je redescends le regard, là, je reviens à la réalité. Puis c'est pas long que ça s'en va, là. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas être fasciné par les lieux qu'on fréquente, parce que chacun a une vibration, il ne faut pas être englobé par l'environnement. Ouais, ben, c'est qu'on a toutes des sympathies vibratoires, puis qu'il y a des affaires que ça me ferait pas ça. Si je m'en vais visiter le Fort Alamo aux États-Unis, ça va pas me... Mais par contre, là, il y a certaines rues de Montréal que, oui, Là, je vais avoir une sorte de. C'est l'ambiance, hein, qui est la fascination, mais par l'ambiance. Ouais, ça peut Mais c'est faire sûr, dès que je flipper. revois la rue, là, puis que je vois les phénomènes qui se promènent, là, je reviens à la réalité. Sinon, avant Fait que. que je l'oublie, je voulais discuter avec toi des gens qui sont des neurodivergents. Oui. Donc, par rapport à des gens qui ont des structures neurologiques qui divergent de la majorité, et puis à l'heure actuelle, il y a une certaine partie de l'humanité qui connaissent des mutations au niveau du fonctionnement de leur psyché. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, il y a en partie des causes mécaniques à ça. OK. C'est comme certains métaux lourds, là, si c'est absorbé par le foie. Là, pendant le développement de l'enfant, il y a certaines parties du cerveau, comme liées à la socialisation ou autres, qui vont être. Il y a comme un apport qui se fait pas, je ne sais plus trop, là, puis ça. Probablement, là, qu'il y a des causes mécaniques, mais en tout cas, il y a d'autres choses aussi, là. Il y a des races, là, qui sont en train d'apparaître. Des espèces de ce qu'on pourrait dire des races mentales, là. Puis ça a l'air varié. On en voyait de temps en temps avant, mais là, ça a l'air. Il y en a beaucoup. Ouais, ben quand on lit, entre autres, dans le domaine de l'ufologie, Jean Cazot soutient qu'il y a des extraterrestres qui ont procédé à des manipulations génétiques auprès d'êtres humains, que ça s'est étalé sur plusieurs générations. Et puis, à quelque part, on pourrait envisager la possibilité qu'il y ait des mutations qui sont générées par l'influence d'êtres d'outre-espace sur l'être humain qui a amené, entre autres, des Ben, ça changements, doit, oui. parce que moi, je vois des différences physiques, là, chez ces gens-là. C'est comme ceux là, qui ont le diagnostic d'Asperger, là, on les reconnaît à leur façon de marcher. Ils ont une façon de marcher qui est liée à leur génétique. Ils ont quelque chose là, de maladroit dans leur démarche, puis ça paraît. Puis aussi. Il y en a d'autres, des fois, c'est lié à leur psychisme, là, que ça va influencer leur. On dirait que ça influence leur langage corporel. Mais il y en a d'autres, là, c'est clairement jusque dans la génétique. Parce que on reconnaît, là, des traits. C'est sûr que présentement, on entend de plus en plus parler de l'autisme, et chose que c'était pas le cas là, il y a à peine 30 ans, là, dans le sens que il y a Ben, ils ont même élargi les critères diagnostiques, donc au niveau statistique, c'est sûr qu'il y a une hausse. Mais c'est Parce là que c'est que plus j'en large. venir. Est-ce que c'est biaisé à cause de la médiation, puis le fait que le diagnostic est fait de plus en plus, puis il y a comme un effet boule de neige, un effet Ben, je d'entraînement? pense qu'il y a des lobbies, hein, de l'autisme. Oui. Puis, ils ont voulu beaucoup victimiser les enfants qui n'avaient pas de diagnostic, par exemple, pour que les critères diagnostiques soient élargis. Puis il y a beaucoup de gens qui militent là-dedans, des familles qui ont des enfants, entre autres, puis ils ne savent pas qu'il y a des gros intérêts d'argent là-dedans. Parce qu'ils veulent développer des molécules. C'est une clientèle, là, pour des médicaments. Oui, c'est sûr qu'il y a un marché dans le sens Ah que, oui, ouais, marché de c'est des milliards, là. consommateurs, ben c'est ça, c'est un petit peu comme, mettons, la dépression, les antidépresseurs. Puis à un moment donné, j'écoutais le Doc Mayhew qui disait, bon, la population québécoise prend de plus en plus d'antidépresseurs. Puis c'est comme si la médication au sein de la population, en tout cas de plusieurs sources d'informations, on a tout le temps l'impression que ça augmente, puis ça augmente tout le temps en Ah plus. oui. Puis ça, c'est parce que tu conditionnes les gens à acheter ton affaire. Puis pour ça, vu que c'est dans le domaine médical, c'est lié à une des idéologies institutionnelles, donc ça prend des lobbies. Puis là, c'est comme si tu regardes la recherche, par exemple. Il y a à Montréal, il y a un gros hôpital qui a fait de la recherche dans les troubles envahissants du développement. Puis il y a un médecin là, qui est très réputé, que lui, là, c'est son cheval de bataille, là. Il dit qu'il était persécuté en France par les psychanalystes. Comme ça, en France, les psychanalystes couraient après les neurologues avec des battes de baseball dans la rue, là. Là, il est venu à Montréal, puis il fait des recherches. sur. C'est au niveau neurologique, là, il fait passer toutes sortes d'affaires. Puis, il n'y a pas moyen de savoir d'où viennent les sons. OK. Fait que le but, d'après moi, c'est de développer des molécules pour mettre sur le marché. Ouais, la médication, encore une fois. Ben, comment ça se fait que il y a des, il faut faire des fondations pour la recherche pour ci, pour ça. Puis pour ça, lui, il reçoit de la des fonds. Puis c'est des recherches qui coûtent cher, là. Mais c'est parce qu'il y a un profit à la clé possible. C'est pour développer des molécules. Exactement, mais si on aborde la question des neurodivergents, donc les gens qui ont un système neuronal qui diverge de la majorité, est-ce que pour toi, ça peut être en lien avec le fait qu'on se trouve à une période de fin de cycle où des gens Ah ben oui. vivent des modifications autant physiques qui peuvent être en relation avec des modifications psychiques aussi? Ben oui. Puis il y a tout un show par rapport à ça. Parce que pour faire muter un organisme, tu n'as pas besoin de l'enlever puis de le traficoter. Si tu veux faire muter un organisme, ça peut se faire par onde, OK. par des ondes. Puis là, ça peut modifier la génétique. Parce que par les ondes, là, on voit ça en épigénétique, ça a un effet sur la structure génétique, là, le code génétique. Donc, admettons là, que je veux modifier génétiquement moi, là, un organisme, puis je suis bien, bien avancé. Je ne vais pas prendre la peine qu'il le sache. Je n'aurai pas besoin. Donc, il y a toutes sortes d'ondes qui se promènent dans l'espace. Puis il y a ces ondes-là qui influencent la génétique. Puis là, dépendamment de la planète, sa vibration qu'elle a, ben ça dépend, là. Il y a peut-être des barrières qui sont moins étanches. Puis là, ben on voit qu'il y a des rayonnements qui ont peut-être des effets sur les êtres vivants. Pas besoin de petits bonhommes qui viennent kidnapper le monde. Non, c'est sûr qu'implicitement, la question des ondes, c'est intéressant de l'aborder, surtout qu'on est dans une époque où les gens sont de plus en plus exposés aux ondes des cellulaires qui vont porter sur eux, les téléphones intelligents. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui tient le cellulaire proche de son cerveau, dans certains cas, il y a eu des cancers de cerveau qui auraient été occasionnés par rapport à l'exposition récurrente au cellulaire, apparemment. Ben, pour ce qui est des neurodivergents, c'est certain que l'être humain, il passe son temps à fabriquer des structures moléculaires qui n'existent pas dans la nature. Puis il passe son temps à, s'il y a des effets, là, de son action. Puis, il se rend pas compte qu'en modifiant des choses, il participe à sa propre modification. Parce que juste quelque chose comme l'aluminium qu'il faut synthétiser, qui n'existe pas dans la nature, ça commence à avoir des conséquences, là. Donc, les neurodivergents, est-ce que c'est pas la vie qui est en train de s'adapter? Oui, exactement. C'est sûr qu'il faut voir aussi, comme par exemple, les vaccins. Donc, il y a plusieurs décennies, les gens n'étaient pas régulièrement vaccinés comme aujourd'hui. Donc, l'impact de la vaccination massive de la population sur le développement de l'enfant en bas âge, sur sa structuration cognitive, c'est un sujet. L'exposition aux polluants nombreux, tu sais, c'est combiner la Ben oui. vaccination avec des polluants nombreux. Puis sinon, au niveau comportemental, une société qui passe plus en plus du temps devant l'écran, où la personne interagit moins avec d'autres individus, puis elle a moins à décoder du non-verbal en bas âge, parce que ses interactions, c'est de clavarder avec d'autres personnes sur Internet au lieu de regarder la personne en face à Ah, ça va face. plus loin que ça. Parce qu'il y a un Belge, là, un neurologue, lui a fait une étude, puis c'est très clair, là. Les écrans, ça déconnecte. Les connexions neuronales, ça ralentit le développement neuronal. Puis si tu essaies d'apprendre à lire et écrire un enfant avec un écran, et au contraire, tu vas nuire. Ah, intéressant. Parce qu'ils se sont rendus compte que les émissions éducatives, ça aide pas du tout. Parce que le cerveau humain, il n'est pas fait pour interagir avec un écran en deux dimensions qui reproduit des affaires en trois dimensions. Le cerveau, il se rend compte que c'est pas réel. Puis les connexions neuronales liées à l'apprentissage, par exemple, là, quand tu parles avec quelqu'un puis qu'il t'explique de quoi, ben s'ils se font pas. Parce que c'est pas un être humain qui en avait, c'était une machine. Puis ce Belge-là, il a fait une étude, puis il a écrit un livre qui s'appelle Télélobotomie. Puis il montre, là, c'est factuel. Il a fait une étude sur je sais pas combien de temps, là, puis c'est très clair. Oui, fait que c'est sûr Mais que. Oui, j'écoute. là, est-ce qu'il y a des enfants qui vont apparaître que eux, ça leur nuira pas parce que leur cerveau fonctionne différemment, peut-être? Parce que c'est ça, c'est parce que s'il y a une mutation, il y a des organismes qui vont surgir, qui vont être adaptés par rapport à la modification de l'environnement. Tu sais, si on pense par exemple à des insectes qui ont été exposés à des insecticides, il y en a qui s'adaptent à ça, puis finalement l'insecticide qui était néfaste pour les générations précédentes ne l'est pas pour les insectes qui ont muté, qui vont se reproduire, puis augmenter, puis prendre la place de ceux qui cédaient sous les insecticides. Ben oui, puis c'est pour ça que tout ce qui se passe avec l'environnement, ça m'inquiète moins que beaucoup d'autres. Parce que je le sais que l'être humain, il est moins puissant qu'il le pense. Ce qui l'a adapté, puis ce qui l'a fait évoluer, c'est très fort, ça. C'est des forces très fortes. Même si l'être humain, il essaye de s'autodétruire, ces forces-là, elles sont tellement grandes qu'il va probablement s'adapter et survivre. Tout le temps. À moins d'être des cataclysmes terribles, là. Il va tout le temps y avoir. Les gens, ils veulent essayer de. Les scientifiques, ils veulent comprendre comment modifier la génétique. Puis ils veulent comprendre. C'est quelque chose d'autorégulé. C'est-à-dire que la génétique, elle va être modifiée, oui, parce que s'il y a un but, c'est plus intelligent qu'ils pensent. Ils pensent eux autres que c'est aléatoire, ça. Donc, les neurodivergents, oui, il y en a. Il y a eu un cas, un jeune Allemand, je pense, qui parlait cette langue quand il est décédé, puis il avait même pas 3 ans. C'est un cas là, de quelqu'un qui avait un cerveau anormalement. Les connexions là, qui sont liées à l'apprentissage étaient en mouvance tout le temps, probablement. Là. Ça fait longtemps de ça. Mais il faut comprendre aussi que peut-être qu'il y a d'autres mondes qui envoient des sondes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'incarnent, qui accumulent de l'information, puis ils meurent. Parce que l'information, c'est leur job, c'est de la ramener. Là d'où ils viennent. Donc, ça peut arriver, un petit autiste qu'on ne sait pas pourquoi, mais il parle 15-20 langues. Puis à un moment donné, il peut mourir de bonheur, puis on ne sait pas pourquoi. Oui, ben c'est sûr qu'il y a une dimension occulte qui peut échapper à la Ben oui. plupart des êtres humains, mais sinon, justement, il peut y avoir aussi des raisons occultes qui fait que présentement, on observe l'émergence de personnes qui ont un fonctionnement différent des générations précédentes, dans le sens que il y a des êtres quand même sur le plan éthérique qui vont travailler pour le rehaussement vibratoire des êtres humains qui sont ici pour les amener à évoluer davantage. Oui, ben même là, c'est comme on dirait des fois l'âme, il n'y a pas moyen que l'esprit. Puis là, c'est là, il peut y avoir peut-être des intermédiaires, mais même là, c'est des choses, j'essaie de pas penser à ça trop, mais on voit là qu'il y a des interventions. Ça semble assez clair, là, il y a des interventions. Mais c'est comme pour ce qui est des neurodivergents. Tout à l'heure, là, je parlais du professeur Théodore Kaczynski qui vivait tout seul dans le bois, là. C'en était un, ça. C'est-à-dire que de pas polariser ça dans le positif non plus. Non, exactement. Il faut Parce être neutre par rapport au phénomène pour pas l'idéaliser ou tu sais, être trop Ah enthousiaste. non. Parce que il y a toujours un équilibrage des forces pour que ça reste qu'il y ait un terrain expérimental le plus vaste possible. Il faut qu'il y ait de la polarité puis qu'il y ait un équilibre des forces. Ça veut dire que s'il y a des neurodivergents qui arrivent avec des solutions, ils vont en arriver avec des problèmes. On va avoir affaire à ce que là, le monde va pouvoir employer le terme, s'ils veulent, de génie du mal. Parce qu'il va y avoir des antagonismes là-dedans. Il y en a du monde bien, bien brillant, puis qui voient différemment, puis qui ont un système nerveux différemment, mais qui auront pas l'empathie. Qui auront pas. On va avoir affaire à du monde que leur intelligence va servir à dominer. Puis ça va être des neurodivergents. Puis là, on va être pris, on va être pogné entre deux types là, d'esprits atypiques là, qui peut-être qui vont s'affronter. Puis c'est le reste là, du monde qui vont servir de terrain expérimental pour ça. C'est là que ça va être intéressant. Ça va être très intéressant de voir ça si ça arrive. Parce que si demain matin, il y a plein de Tesla, puis il y a plein de. Ils seront peut-être pas toutes. Ils auront peut-être pas toutes des valeurs d'amour, là. Non, exactement. Donc, si des gens ont des grandes capacités, un peu comme des super-héros, ben il peut y avoir des super-héros dans le méchant puis dans le bien aussi, entre guillemets, là. Ben, c'est que l'intelligence puis la conscience, c'est pas pareil. Quelqu'un peut être extrêmement intelligent, il sait tout, il voit tout, mais il ressent pas. Fait que là, on fait quoi avec quelqu'un comme ça? Ça fait du monde. Comme là, il y a un gars au Québec, là, il a causé pour 30 millions de dommages à Hydro-Québec. Il fallait qu'il y ait une certaine intelligence venir à bout de faire ça, là. Je me doute comment il a fait, mais Mais il reste c'est quoi les café. dommages qu'il a occasionnés, justement? Il a fait sauter des transformateurs sur des lignes de tension. OK. Probablement que lui, c'est un pilote d'avion. Probablement qu'il s'est amusé. Tu prends des couvertures de survie là, métalliques. Là. Tu envoies ça de ton avion d'un transformateur. Je te garantis que les résultats vont être belles fois. C'est probablement ça qu'il a fait. Puis là, il y a pour 30 millions de dommages. Fait que là, mais lui, c'est parce qu'il voulait se venger d'Hydro-Québec, un gars très intelligent. Aucune conscience. Là, il est condamné, je pense, à 7 ans de prison, puis il va être poursuivi au civil pour 30 millions. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que dans les neurodivergents, il peut y avoir des gens qui ont certaines capacités particulières qui, étant supérieures à d'autres personnes, parce que ils sont comme configurés pour développer ça davantage au détriment d'autres aspects, vont faire qu'ils vont davantage performer, mais ça peut être utilisé, en bien ou en mal, si on peut Ben oui, dire. ben c'est comme un neurodivergent. Lui, imagine qu'il n'y a pas de personnes signifiantes autour de lui, puis qu'il subit de la colère puis de la frustration parce qu'il fait rire de lui. C'est un neurodivergent. Fait qu'il n'est pas normal, c'est qu'il fait rire de lui. Puis lui, ben, il n'est pas capable d'intégrer ces chocs-là de ses premières années de socialisation. Puis il peut devenir un révolté extrêmement nuisible. Oui, puis peut-être un jour un pirate informatique qui va viser à faire Ben. sauter un paquet d'institutions, puis leur site web, puis voler des données, et ainsi de suite. Ben, c'est ça. Donc, un phénomène, c'est jamais polarisé. Donc, les neurodivergents, ils vont en avoir de toutes les sortes. Puis, ils vont en avoir des dangereux. Tu sais, ce ne sera pas tout, là. Des enfants de cœur. Ah non. Ah non, puis même, tu sais, on parle de des gens qui ont des fois des troubles au niveau de l'empathie. Fait qu'imagine, là. Là, il y en a qui vont pas être contents de ce que je dis là parce que ils veulent enlever des mythes qu'il y a à propos. Ben là, Hans Asperger, le premier qui a caractérisé cette maladie-là, il les appelait des psychopathes autistes, les Asperger. Ah ouais, c'est Parce qui que. disait ça? Pardon, allô? Est-ce que tu te rappelles c'est qui a amené cette étiquette-là? Oui, c'est Hans Asperger, c'est lui qui a donné son nom Ah, OK. au syndrome. Puis lui, il les appelait des psychopathes autistes. Parce que là, il y avait des intelligences normales, mais pas au niveau social. Il n'y avait pas de capacité d'empathie. Donc, il reste qu'il y a un fond de ça, mais ça dépend tout le temps. Est-ce que le sujet a accès à la théorie de l'esprit? Ça, c'est est-ce que le sujet est capable de comprendre que l'autre est un autre, puis que son processus mental à lui, est-ce qu'il est capable de synthétiser des abstractions, parce que c'est des choses qui sont essentielles pour socialiser. Si Exact. les gens n'ont pas ça, puis qu'il n'y a pas un apprentissage fait par le milieu pour qu'il y ait une capacité de se mettre à la place des autres, de s'imaginer ce qu'un autre peut penser, avec un parcours différent, ben ces gens-là, ils apporteront pas grand-chose. C'est le milieu là qui est responsable un peu de développer cet aspect-là qui leur manque. Mais j'imagine que c'est du cas par cas, ils sont pas tous pareils. Mais l'autre, là, Théodore Kaczynski, là, il était tellement intelligent. C'est parce que son frère l'a dénoncé qu'ils l'ont pogné, mais il envoyait des bombes par la malle parce qu'il était frustré contre les universités puis contre le gouvernement. Puis lui, dans sa tête, c'était tout bien correct. Puis là, on parle de quelqu'un qui a un QI de 180. Non, c'est Vraiment, là, ça. un C'est parce génie. qu'il y a des gens qui ont l'intelligence au niveau de l'intellect, mais ils n'ont pas l'intelligence de l'esprit. Les deux sont pas coordonnés ensemble, ce qui peut occasionner beaucoup de dégâts. Parce que la conscience, c'est de l'intelligence qui va au-delà de l'ego. Puis quelqu'un qui est bien intelligent, mais qui n'a aucune conscience, il ne peut pas avoir d'empathie, puis il ne peut pas comprendre ce qui fait que ça n'a pas de sens. Exact. Parce qu'il va toujours donner un sens. Il va justifier. Ils sont un peu. Ça vient souvent avec une immaturité affective. Puis comme un enfant qui se fait pogner, ben ils vont justifier. Ben là, vous n'avez pas été correct avec moi, puis la société n'a pas été correcte avec moi, puis ça finit que il n'y a rien à faire avec du monde de même. Il faut les enfermer parce qu'ils ont une capacité de nuisance extraordinaire. Juste avec un téléphone, des fois, ils peuvent faire des dégâts extraordinaires. Donc, en tout cas, c'est juste d'avoir. J'espère que, à mesure que ces choses-là vont apparaître, qu'on va développer une science et un discernement de pouvoir, comment je pourrais dire ça, prévenir, puis de pouvoir assister dans leur développement ces gens-là. Ouais, d'une manière adéquate, sauf que la science va se construire à mesure, puis comme souvent, malheureusement, la science se construit à partir d'essais et d'erreurs, ben ce qui va sans doute arriver, c'est qu'il va y avoir des dégâts associés aux premières générations de personnes qui ont un fonctionnement psychique divergent. Puis là, c'est avec le temps qu'on va développer des méthodes qui vont de plus en plus efficaces puis ajustées aux gens, mais il y a quand même les premières générations qui vont en payer le prix. Mais ce qui va être ceux qui vont réellement faire des avancées, c'est quand des neuroatypiques eux-mêmes vont être neurologues, puis psychologues, puis psychiatres. Mais là, pour ça, pour faire des études en psychologie, il faut avoir de l'empathie, puis il faut avoir accès à la théorie de l'esprit. Fait que c'est pour ça là, que c'est là que ça devient délicat, là. C'est au niveau des institutions. Est-ce qu'ils vont être capables de repérer puis de comprendre puis en tout cas parce que un de ces enfants-là qui est traité pas adéquatement puis qui se sent pas respecté puis qui se sent pas vu, ça peut finir par devenir on va se ramasser avec des grands criminels très atypiques donc qu'on n'arrive pas à comprendre puis qu'on n'arrive pas à arrêter parce qu'on les comprend pas. Oui, puis comme le semblable ne peut qu'être connu, être compris que par le semblable, ça te prendrait un autre individu atypique pour être capable de comprendre le criminel qui est Ben atypique. oui. L'autre Kaczynski, il codait tout mathématiquement son journal. Ben la CIA, ils ont beau avoir étudié ça pendant 40 ans, ils n'ont jamais été capables de percer le code. Puis ils ont des ordinateurs de fou, puis lui, il faisait ça avec un papier et un crayon. Puis il essayait de le pogner, puis il n'était pas capable. Il a fallu que quelqu'un de sa famille le dénonce. Il ne l'aurait jamais pogné. Il était bien plus intelligent qu'eux autres, mais il n'était aucune conscience. Mais d'une intelligence là, redoutable. Vraiment, là. Puis pourtant. Mais ça, c'est. Il y en a plein, là. Je veux dire. On dirait que d'un point de vue génétique, lui, c'est quelqu'un qui est né dans les années 30, je pense. Mais aujourd'hui, là, c'est. Des Théodore Kaczynski, il y en a peut-être des milliers. On ne le sait pas. Là, ça dépend. Est-ce qu'ils vont être traumatisés par leur cursus en société au point de se retourner contre elle? Ou est-ce que la société va être assez intelligente pour gérer cette énergie-là? Ou il va falloir que la société passe par des chocs pour intégrer ça? Oui, ça va être un dossier à suivre. Et c'est sûr que on est dans une période de mouvance sociale. Il y a beaucoup de changements sociaux qui se font rapidement. Fait qu'on va voir. Bon, on n'aura pas le choix. Exactement. Donc, comme le temps file, je songeais à conclure avec toi la conversation. Oui, c'est correct. Excellent. Donc, sinon, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Ben non. Bon. Bon temps des fêtes. Donc, à toi aussi, Berthold, et ça a été encore une fois un plaisir de discuter avec toi. Et pour, Ah, moi aussi. ben, excellent. Et pour les gens que ça intéresse, bien, c'est sûr que vous pouvez retrouver sur YouTube plusieurs vidéos que tu as effectuées au fil du temps. Tu as d'ailleurs ta chaîne. Sinon, moi, j'ai réalisé avec toi là, d'autres entrevues également que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, Oh bye-bye. ben.